panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the V in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, panda. Pocket sport, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Big nigga bullet, you bandit, hope killers understand me. I got broads in Atlanta, visit the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Premier sur le rap, premier sur le rap. Skyrock, Skyrock. Hey, hey, c'est ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient où veulent engranger. K.O.2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue ici, c'est toi l'étranger. Santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchon dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Tu vas gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à deux, trois heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus si money weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener. Radio Libre sur Skyrock jusqu'à minuit, les meilleurs moments de la plus grande Radio Libre de France avec Difool et toute l'équipe. À retrouver sur Skyrock du lundi au vendredi avec des cadeaux à gratter à l'intérieur. Avant minuit, je vous offre l'enceinte qui fonctionne partout. Elle est insubmersible, elle vaut 200 euros. C'est la Monster Backfloat à emporter partout, à la plage, à la piscine ou encore sous la douche. Plus la compile Planète Rap 2016 avec à l'intérieur les 40 meilleurs sons de Skyrock sélectionnés pour vous cet été. Ça marche avec un SMS. Pour participer au tirage au sort, c'est roulette au 7/20 qu'il faut envoyer. Vous avez toute la soirée et l'un ou l'une d'entre vous sera tiré et passera avec moi sur l'antenne. Enfin, d'émission tout à l'heure pour crier stop et décrocher l'enceinte et la compile sur Skyrock. On y va maintenant avec un petit sommaire. Que va-t-il se passer ce soir dans l'émission? Soprano va venir nous voir. Soprano, c'est lui. Soprano, des psychiatres de la rime, était de passage cette saison chez Difool. Il nous a parlé de son prochain album, prévu pour la rentrée, et de ses concerts Skyrock en 2017. On va retrouver tout ça dans un instant. Le super clash à suivre aussi, qui va le plus pécho chez les familles. Cédric ou Romano, on parlera fantôme avec Alex de Paris, qui pense que sa chambre est tentée. Le double appel aussi, on met deux familles qui ne se connaissent pas en contact. Ce sera avant minuit, promis, et on attaque l'émission maintenant avec Arwan d'Auxerre, qui passe son temps sur les sites de rencontres. On en parle maintenant avec Diffoul et toute l'équipe. Radio Libre sur Skyrock, c'est jusqu'à minuit. Quels sont les meilleurs sites de rencontre pour vous? Ceux sur lesquels vous traînez? Alors, on a Erwan de Auxerre en direct avec nous. Bonjour Erwan. Salut Bourguignon. Ouais, salut l'équipe. Salut Erwan, comment Coucou. Vas-tu? Coucou. Ouais, Erwan. Salut. Erwan, toi, t'as 19 ans et est-ce que tu vas sur des sites de rencontre? A priori, oui. Ah ouais, mais c'est pas trop des sites de rencontre, c'est juste pour s'amuser, c'est Tinder, je sais pas si vous connaissez. Ah, ça c'est pour du cul, même, ça, ouais. Ouais. C'est la base. Ça c'est la base du cul, ça, ouais. Tinder, si vous voulez une relation sérieuse, c'est pas forcément le site sur lequel il faut aller. Par contre, si vous voulez tirer un coup. Du tout, pour ouais, pour non, sérieux, trop ça, ça c'est le truc qui géocalise. Qui géocalise. Alors, est-ce que ça géocalise? Est-ce que c'est le site? Est-ce que c'est le site qui te localise? Oh putain. Géolocalisé. On dit. Bah, c'est ça. Voilà. Bah, donc c'est ça. Ah, j'ai oui, localisé, oublié ouais, la moitié ouais. du mot, quoi. Géolocalisé. Ah, ouais. Ah merde, ouais, putain, j'ai oublié, ouais. T'as été oublié. J'ai oublié des lettres. Non, mais ce que tu dis, c'est happen. C'est avec les gens que t'as déjà croisés. Et Tinder, ça, ça te dit ouais, Tinder. Ouais. Ah, Tinder aussi, je sais pas, moi, je n'utilise pas, moi, ces choses. Mais à peine, c'est plus près. Tinder, il y a trop de meufs à mettre plan cul, s'abstenir, machin. Alors, les meufs, tu parles de 3 minutes avec elles. Première à se faire traîner, bah oui. Alors, attends, petite question. Raconte-nous, Erwan. Ah, non, parce qu'avec un pote à moi, genre, un jour, on délirait et on s'est mis dessus. Et on a vu, en fait, souvent, les meufs, elles disent que c'est les mecs, c'est tous des connards, qui pensent qu'au cul et tout, mais dès que tu vas sur Tinder, tu vois bien que c'est, la balance, elle s'inverse un peu quand même. Ah, que les meufs, elles pensent aussi ah ouais. au cul. Bah oui. Ah oui, mais t'en as niqué un bon paquet? Je vais pas déclarer grand chose non plus, parce que maintenant, là, à l'heure actuelle, je suis en couple, mais. Ah. Oui, mais c'est pas grave, tu peux déclarer, c'était avant. Ben ouais, c'était. Ouais, franchement, ouais, avant, ouais, franchement, je m'amusais bien. Même avec mes potes, on s'amusait même à plusieurs, franchement, c'est celui qui serrait le plus de meufs, quoi. C'était un concours. Ah, et vous avez concours. Déjà fait des trucs à plusieurs avec vos potes? Ah non, quand même pas. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, ton pote arrive à draguer une meuf, toi t'arrives à draguer une meuf, vous donnez rendez-vous à 4 et ça se termine en non. Ah non, c'est pas mon délire ça. Bendouille, lui, il est sur Badou et il nous dit ça marche bien Badou. MMA Badou, Fight. C'est pour les moches aussi. Alors Badou c'est pour les moches, salut à toi. tu es Bendouille. Alors Bendouille a priori tu n'es pas top. Ouais, salut Bendouille. Et Lovou, c'est pas bien Lovou? Ah si, bah tiens, Jérémy du 54, elle utilise Lovou. Ouais, Lovou, il y a pas mal de messages. Pas mal de messages. Non mais Cédric, c'est un truc de dingue, c'est que t'as inscrit sur tous les trucs mais tu dis que jamais. Non. Ah si, t'inquiète. Mais tu dis quand? Non, Lovou, je l'ai enlevé parce que ça m'a saoulé, moi je suis sur Smax. Et sur Tinder en ce moment. Il y a du Smax. Et Tinder et alors? Ouais, Tinder, ouais, j'ai serré, ouais. Ouais! Si, gros. Ah bah attends. Ou alors, si l'auditrice, elle a envie de te parler, non, de te gratter non, un non, jeu. Parce qu'il n'y a pas écrit, justement. Ou elle veut te prendre pour un con, peut-être aussi. Non, hein. Mais par contre, aussi, il y a des. Enfin, des fois, c'est des sites de rencontre, c'est des. Ils font de la pub là-dessus, quoi. Ils mettent une image du mec trop bonne. Ouais. Et ils t'envoient un message, ouais. Donc, ouais rapide, join me in. Non, mais ce que directement les meufs, ouais, j'en ai eu plein des comme ça en fait. Les meufs ah, comme ça. Étonnant, tiens. Elles disent, non, mais je le crame bien. Quand tu te connectes avec le profil, déjà, c'est une super bonne meuf. Et au bout de deux messages, la meuf, elle te fait quoi? Elle te fait, ouais, envoie-moi un message sur le 08, je sais pas quoi, machin, nan, nan. Ah, oh, ouais, bah moi, je l'ai envoyé. Ah, bah je l'ai jamais niqué, la meuf. Oh là, par contre, la facture, elle était salée. Ah, bah j'imagine, Cédric, ouais. Tinder donc pour Erwan. J'ai rencontré Cédric sur Grindr. Alors Grindr est la version gay de Tinder, hein, si je ne me trompe ouais, pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, pas. C'est vrai. Seulement ouais. pour le week-end. C'est maître ouais, Pimps sûr, ouais. qui va te pimser, tu vas voir. À partir de minuit, je suis dispo. Ouais, bah ouais. Écoute, tu vas te faire pimser par maître Pimps. Venez me matcher l'anus. Lovou. Ah, toi, t'es chelou, toi, comme mec. Lovou, facile. Ah, c'est pour baiser facile, Lovou. Il y a plusieurs qui nous disent ça. Smax, j'ai rencontré. Il y a moi, adopte. Mon mec sur Badou. Ah, bah ouais, comme quoi. Regarde. Adopte, ouais. Ouais, adopte un mec, il y en a moins qu'avant. Parce qu'avant, on en avait déjà parlé plusieurs fois. Et il y a quelques mois, adopte un mec, il y en avait vachement, mais là. Parce que déjà, adopte un mec, c'est payant pour. Si tu veux vraiment utiliser le truc complètement, c'est payant, tu vois. C'est pour ça que je vous en parlais ce soir, parce que. C'est bien de faire un point sur les sites de rencontres. Les sites de rencontres sur lesquels tu peux retrouver Pamela, Erwan, hein, je te le dis quand même. Ouais, non, ça ira franchement. Oh, mais si, Erwan, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, Erwan, c'est le week-end, vas-y. Allez, viens. Mais oui. Allez, vas-y, allez. Viens par là, mon Allez, mignon. Allez. Et donc maintenant, ça y est, t'es en couple, donc tu ne traites évidemment plus sur tous ces sites. Hein. Bien sûr. Ouais, bah normal. Ah bah attends. Bah t'as fermé tous les comptes. Ah bah c'est, j'espère bien, ouais. Dépôt de bilan, bim. Bon, je connais des sites où il y a beaucoup de salopes. Bah écoute, tu nous laisses les sites et puis on y reviendra là tout à l'heure. Là, c'est Karim qui nous envoie le message du 59. Salut Karim, le nordiste. Yo, yo. Soprano, salut Sopra.

franchement, c'était magnifique ce qu'ils ont fait. C'était merveilleux. Mais comme c'était un mec souriant, on va sourire comme s'il y a. Exactement. Voilà, on est et là. Allez loin, on continue, et voilà. On continue à faire la fête et à propager des messages. On continue. Exactement. Yes. Donc les leçons, vous l'avez découvert sur Skyrock. Vous allez entendre beaucoup sur Sky. Le concert au Vélodrome, c'est le 7 octobre 2017. Et le concert à Bercy, c'est le 30 septembre 2017 ouais. aussi. Bravo. Merci, mon Sopra. Je vous amène trois trucs quand même. Hein. Je crois que. Attends. Ah, Alonso, il va m'envoyer un texto. Il va me dire je savais pas le stade, tu me l'as pas dit en fait. Ah, c'est vrai, tu l'avais gardé secret tout ça. Il y avait qu'il bave ou quoi. Il y avait personne qui le savait, je crois. Et l'album, il sort quand? Parce qu'on nous demandait, il sort quand? Ah, bon. Ça sera une autre surprise. Ça, c'est une autre surprise. Je sais la date, j'ai tout. Il manque trois morceaux là. Bon, ça serait une bonne occasion pour revenir. Voilà. Bon, voilà, c'est bien. Pour revenir, il nous garde des surprises pour la suite. Ouais, c'est bien, ouais. Voilà. Toujours l'occasion de revenir. Rien de mieux. Quand même, t'imagines, déjà la plus grosse, quand même, c'est le stade Vélodrome. Putain, et le morceau, beau, quand même. Ah, j'avoue, même Bercy, quand même, c'est un truc de fou. J'ai jamais fait, moi, Bercy de ma vie, tu vois. Oh, tu vas avoir une fin d'année 2020. Ah, t'as jamais fait Bercy. T'as fait le Zénith. En fait, chaque fois qu'on me le proposait, moi, je disais, moi, je préfère aller voir toute la France, voir tout le monde. Et après faire le Zénith, tu vois. Si, t'avais fait avec notre concert, Génération Rap R&B. Oui. Là. Voilà, là on va le faire. On est en train de préparer la scène. Là on a commencé. Si t'as besoin d'un coup de main, pas de problème. Eh ben, regarde, tu sais, je vais dire à Alonso de venir. Et c'est toi qui tu vas faire le morceau avec lui. Ouais, voilà. Eh ben, tu le refiles au collègue. Tiens, tu le refiles au pote. Regarde-moi. Voilà. Vous êtes trop simple. Et Soprano, il tient vraiment ses promesses. Il avait promis que Romano serait sur le prochain album. Eh ben, je suis sur la pochette. Il est déjà sur la pochette. La classe. Bravo, Romano. Et merci, Soprano. Merci pour le. Merci. Pour la visite. Merci à vous en tout cas, merci. Bon, on a Nabil au téléphone avec nous en direct de Nice. Salut Nabil. Ouais Nabil. Coucou le Niçois. Ouais Nabil. Salut Nabil. Salut, Nabil. Salut, bienvenue à toi. Et toi, comment ça va Nabil? Bon, ça va. J'étais surpris en fait qu'on m'appelle parce que j'ai envoyé un message genre, et 10 secondes après, on m'a raté. Eh ben, c'est ça, la rapidité Skyrock. T'as été un des premiers à nous envoyer un message tout à l'heure pour les sites de rencontres. Tu es donc toi aussi un accro comme Erwan qu'on a eu tout à l'heure à Auxerre. Ouais. Alors, c'est quel site de rencontres sur lequel tu fais le plus de rencontres, toi, Nabil? En fait, c'est pas un site de rencontres, c'est une application c'est Lovoo. Ouais, bah ouais, Lovoo. Ah, mais non, mais on prend les applis aussi, on mélange tout, hein. Appli, site de rencontre, enfin, pour. Et alors, ça marche bien? Lovoo, on a pas mal de messages sur Lovoo. Lovoo. Mais c'est à quoi tu dis? Oui. Et en fait, cette application, c'est de la grosse merde. Ah! En fait, alors... parce que je me suis inscrit dessus, tu vois, j'ai mis une photo, tu vois, plutôt pas mal, tu vois, normal. Ouais. Et j'ai parlé à plein de meufs, il n'y en a pas une seule qui m'a répondu. Alors, Lovoo, oui, mais bon, c'est ça, en gros, hein. Mais comment ça marche, Lovoo? Faut que ça marche aussi? Sur Lovoo, t'as des en fait si t'es un mec, tu peux acheter des bonus, tu sais, c'est un peu de l'arnaque parce que si tu veux avoir plus d'options, plus de bonus pour faut payer comme les autres. Il y a plein de sites comme ça, ils sont tous c'est clair. Surtout t'as des options après. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression en fait que les applis c'est surtout fait pour les meufs, tu vois, parce que quand t'es un mec, c'est difficile alors qu'une meuf c'est grave facile. Franchement, ça, c'est vrai que c'est plus facile pour les meufs, mais dans la vie en général. Non, mais des fois c'est quand tu parles avec une meuf, c'est par exemple faut te dire c'est que la meuf de l'autre côté elle reçoit 200 messages, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que c'est différent, ça fait pas à tout le monde non plus d'un coup, tu vois. Ouais, alors que toi tu galères et t'attends ton premier message. Ouais, il y a rien. Mais justement, les meufs là-dessus, elles sont harcelées, non? Ouais, grave. De fou. Par Cédric, un truc de malade. Harcelé par Cédric. Toi, tu fais un profil de meuf et tu joues là. Pendant une heure, tu verras le nombre de messages que tu vas avoir. Ah, Cédric, tu as donc déjà fait un profil de meuf. Voilà, non, j'ai le bien moi. Comme gars, dis donc. N'importe quoi, non, j'ai le bien moi. Je suis allé en jupe. Ah ouais, non, mais j'ai le bien moi. C'était inscrit sur le truc, tu vois. Je fais putain, tu délires avec elle. Tu vois, moi, j'ai pas beaucoup de. Tu sais, je devais avoir 10 personnes, tu vois, connectées. C'est déjà pas mal, hein. Elle a fait pour toi. 300 mecs, tu viens lui parler, quoi. Ah bah oui, oui. 300 mecs, quoi. Ah bah oui, oui. Non, mais bon, on espère pas en avoir 300 quand même. Non, mais Nabil, t'es d'accord avec nous. C'est plus facile pour une meuf que pour un gars. Bien sûr, mais partout. Pas simplement sur les sites ou sur les apps. Justement. Je vais te dire un truc, le fait qu'il y ait 300 mecs qui contactent une meuf, il suffit que tu sois différent des 300 autres, et là la meuf elle va flasher sur toi. Eh bien Cédric, tu as ta chance. Pas que physiquement, mais comment tu bah déjà physiquement, moi je. Parce que les mecs s'y prennent tous de la même façon, c'est trop les dalleux, tu vois. Genre, vas-y, on se retrouve chez toi, on va baiser. Donc ça donne pas envie. Mais c'est trop les, sauf que les meufs ça marche jamais. Ça donne pas envie, sauf si t'as envie de te faire baiser. Mais tu sais, les meufs sont pas comme ça. Toi t'as claqué combien sur le vous là? Parce que tu nous as dit que t'as acheté. 0€. Combien? 0 euros, je suis pas un pigeon. 0 euros, je suis pas un pigeon. Ah, t'as pas acheté de bonus, t'es rien. Ça, j'arrive pas, moi, ce tapis. Putain, mais... Cédric, ton bouchon, ouais, merde. Moi, Cédric, il y a toujours ton bouchon. Il a habité ici ou quoi? Oui, ça. Non, mais de toute façon, toutes les applis, au début, elles sont gratuites. Ouais, et après, c'est payant. Tu vois, comme Tinder, au début, c'est gratuit. Une fois que tu t'es bien, t'étais bien dedans, après, ils te disent, ouais, pour avoir plus de cœur, machin, ouais, hein, faut payer 5 euros par mois ou 10 euros. Ben, adopte, c'est pareil. Moi, j'ai payé 1000 euros. Non, jamais. Ah ouais, c'est bien cher. Ah, mais quand c'est payant, j'arrête. Plus. L-O-V-O-O. Attends, j'ai téléchargé L-O-V-O-O. Ça. Je vais voir ce que ça donne. Et là, l'appli dont parlait Samy l'autre fois, là, à peine. C'est pas mal, ça, ouais. Et ah, c'est bien, ça. Ça marche bien, ça. Ça, ouais, c'est charmé. C'est en train de remplacer Tinder, ouais. Bah, en fait, si ça te, par exemple, toi, ton application, elle est activée, et ça te propose des meufs. Ça te dit, par exemple, telle meuf, tu l'as rencontrée à telle heure. Cédric, tu dois être dans une galère abominable, quand même, pour avoir téléchargé tous les sites. Oh, non, putain, c'est clair. Le mec, il connaît tout. Que tout le monde connaît. Moi, je connais tous les noms. Mais que tu connaisses la différence entre tel site et tel site et tel site et tel appli et tel machin. Ah ouais, ouais, quand tu rentres dedans, c'est franchement un jeu, tu vois, c'est marrant. Et alors, Samy aussi d'ailleurs. Bah, parce que moi, je tape des délires avec des potes, mais c'est tellement facile, tu vois. Bah, à peine, j'ai rien serré. Je ramène les meufs pour les potes. Moi. Mais t'as serré sur quoi? Sur Tinder. Ouais, Tinder. Et adopte un mec. Adopte, ah ouais? Oh là, j'en ai adopté un. Il me fait régulièrement le cul. Ouais, non. Il est gentil. Je jure que non. J'ai adopté un mec, voilà. Non. Bah, c'est mignon, je vais en adopter un autre. Ah ouais, c'est bien. Ça lui fera un petit frère. Ouais, tu vas expliquer. C'est pour te péter le cul à deux, quoi. Voilà, allez, fais un tour sur Adopte un mec. Et Nabil, je te conseille, Adopte un mec, il y a Cédric dessus. Vas-y. Voilà, je suis adopté. On verra bien. Bon, et t'as jamais serré une meuf par un site quelconque? Rien. Non, ni en vrai, ni sur internet, ni par Minitel. Ah, ni en vrai non mais plus. Mais tu as les contacts quand même? Non, en fait, c'est juste t'as le profil de la meuf, et sur le Wii, t'as un espèce de radar, comme Apple, ou je sais plus quoi. Et ouais, en fait, ça te dit les meufs à proximité de chez toi. Et en fait, tu leur parles, et je sais pas, ça marche pas. Bah, c'est la façon comment tu leur parles, à mon avis. Sinon, elle est sur Smax, il y a pas mal de monde qui est sur Smax. T'es pas trop cash non plus, parce que si la meuf. Non, juste, j'ai dit à plein de meufs, salut, et j'ai rien eu. Change la photo. Non mais ouais, c'est peut-être juste des saluts, c'est... En fait il y a un truc souvent, parce que quand tu prends un profil de meuf, tu vois franchement 99% des mecs ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils font une entrée genre basique, genre salut machin, tu vas bien. Au bout de 10 secondes ils font une blague, mais qui est pas une blague, du style bon ben j'arrive chez toi alors, haha lol, haha, t'es point de suspension, d'exclamation, de... Tu sais, de au cas où si la meuf elle est chaude, si la meuf elle mord, elle dit ouais, ça mord, mais au cas où je suis pas un dalleux parce que j'ai mis des lol et des points de suspension. Et ça, les meufs, c'est rédhibitoire, c'est pas drôle, c'est pété, elle dégage. Ah, tu vois, c'est vrai que t'as compris. Non mais ça, je peux pas. Non mais ça, le belge, tu fais quoi, t'inquiète pas. Mais déjà, c'est un mec à 99 qui le font, ça. Ce qui cloche déjà, c'est la photo. Bon, bah merci en tout cas, Nabil. Et puis, bah, on te souhaite de séduire ce week-end ou rapidement, en tout cas. Ouais, bah j'espère, parce que là, j'en ai un peu marre. Bah, ouais. Priorité, un petit peu en galère. Bah, prends le temps en attendant. Ouais, bah, dans les bars, là, maintenant. Bon. Si ça marche pas. Bah, ne prends le pas dans le bar. Hein, non, oula. Oui, mélange pas les conseils qu'on donne. Ouais, ouais, c'est non. Prends-toi, il va peut-être faire un tour au bar. Mais après. Ou avant. Ou avant, ouais. Quoique se branler dans un bar, peut-être ça peut marcher, on ne sait jamais. Soir, Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Sur Skyrock, suite de l'émission avec attention. On rigole 95% du temps sur Skyrock, mais là il y a un sujet très sérieux, c'est Jordan qui a eu un souci avec sa sœur. C'est à découvrir juste après le son de Drake et One Dance maintenant sur Skyrock. Radio Libre jusqu'à minuit. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Tous les soirs dès 21h. What the fuck? Difool est sur Skyrock. Bon alors Jordan, ouais, toi tu dis que tu voulais passer vite. C'est pour un truc pas rigolo qui t'est arrivé aujourd'hui. Je sais pas de quoi il s'agit, mais enfin Karim m'a dit il faut le prendre tout de suite. Alors je te prends tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, ouais. Jordan? Bah en fait c'est un peu compliqué. Aujourd'hui à 14h de l'après-midi, je suis rentré dans la chambre de ma sœur et je l'ai vue accrochée à sa porte, accrochée à une écharpe et elle était pendue quoi. Mais ta sœur est pas morte? Non bah en fait son cœur il bat mais il y a quelques activités cérébrales dans son cerveau mais on peut pas encore la déclarer morte cérébralement. Mais tu veux dire que tu nous appelles en fait parce que ta sœur, t'as vu que ta sœur, elle avait fait une tentative de suicide, tu l'as trouvée derrière la porte, accrochée. Voilà, je l'ai soulevée, j'ai enlevé la corde et je l'ai fait les premiers gestes de secours en attendant que les pompiers ils arrivent quoi. Ah bah oui, j'imagine. Ouais, mais donc t'as appelé les pompiers, ouais. T'as trouvé ta sœur, t'as appelé les pompiers direct. Ah ouais. J'ai appelé ma mère et ma mère, elle est montée avec le téléphone, elle a appelé les pompiers, on a commencé les massages cardiaques avec insufflation, voilà, ouais. Ouais, mais c'est ce qui est bon, vous avez bien fait, hein. C'est important de connaître. Moi, je vais apprendre les cours. Les gendarmes, ils m'ont dit que si elle s'en sortait, c'était un peu grâce à nous qu'on lui avait sauvé la vie en attendant que les pompiers arrivent, quoi. Mais Karim, il me passe un papier, mais il me dit que ta sœur, a priori, bon, elle est à l'hôpital, elle est prise en charge et que ça va un peu mieux. C'est... Bah en fait ça va un peu mieux. En fait on a plus de nouvelles que depuis qu'elle est partie parce qu'elle est quand même. Moi je suis entre Vannes et Lorient et elle est partie à Rennes, tu vois. Et en fait on n'avait pas de nouvelles à part que son cœur avait repris à battre quoi. Et en fait le truc c'est que bah là en fait on a appris que ma mère elle est revenue et elle m'a dit qu'il y avait quelques activités cérébrales dans son cerveau mais que c'était pas sûr que ou alors si elle s'en sortait elle aurait des séquelles quoi. Ah ouais, j'imagine. Ah putain, chaud. J'imagine ce que t'as dû vivre aujourd'hui avec tes. Avec tes parents. Enfin, ta mère, elle est où là? Ma mère, elle est avec ma famille chez moi. Là, je suis chez un copain pour un peu souffler. D'accord. Ouais, ta mère t'a envoyé chez un copain et eux, ils gèrent ça à la maison avec la famille. Ils sont en famille. Il y a mon tonton, ma tata, tout le monde. Et elle a quel âge ta sœur? Ma sœur, elle a 15 ans. Et vous aviez senti que ça allait pas ou que... Bah En fait, avec son copain, il faisait beaucoup de crises de jalousie, mais on ne pensait pas que ça allait aller jusque-là. Juste avant de faire ça, on a vu sur ses bras qu'elle faisait des scarifications. Donc, à mon avis, ma mère a dit que, à mon avis, elle avait essayé de se tailler les veines, et comme elle n'y arrivait pas, bah, elle est passée justement à la pendaison, quoi. Ouais, c'est vrai que quand tu te scarifies, tu te fais du mal à toi-même. Ça peut être un premier signe pour ce genre de truc. Après, toutes les filles ou tous les gars qui se scarifient, faut pas forcément être tentative de suicide. Non, mais bon, en général, c'est que ça va moyen quand même. Bah oui, quand tu te scarifies, quoi. On était assez proches avec ma sœur. Là, c'est un peu. Enfin, je pense, c'est une grosse pensée à elle que je fais parce que on a déjà appelé Skyrock à nous deux en même temps pour des problèmes qu'on avait eu avec nos parents et tout ça. Donc, en fait, c'est un peu voilà. Je pense à elle en appelant Skyrock et en demandant s'il y a des gens qui peuvent nous dire. Enfin, parce que j'ai peur d'aller la voir parce que ma mère m'a dit qu'elle avait des tuyaux dans le nez, dans la bouche. J'ai peur d'aller la voir et j'ai peur maintenant d'aller dans sa chambre et tout ça, tu vois. Mais à mon avis, le pire, tu l'as vécu tout à l'heure, toi. C'est quand t'es tombé sur ta sœur et que t'avais ta sœur était. Bah, je l'ai vu et tu sais, ça fait bizarre parce que elle est tout. C'est le corps, il est mou et la bave, elle sort du nez, de la bouche et c'est un choc, tu vois. Oui, ah bah tu m'étonnes. C'est normal que tu sois choqué. C'est pour ça que je te disais que le plus dur, tu l'as vu, de l'avoir avec des tuyaux. Maintenant, au moins, si tu la vois maintenant, tu sais qu'elle est à l'hôpital. Mais bon, malgré tout, qu'elle est prise en charge. Puis t'as eu les bons réflexes, quoi. Ouais. De lui faire les premiers secours et tout. C'est ce qu'ont dit les gendarmes. Ah bah, après, moi, j'ai appris au lycée comme tout le monde. Mais voilà, j'ai pensé directement au lycée quand j'ai vu ça. Et j'ai fait avec ma mère, on a fait le bouche à bouche et les un massage cardiaque. Ah, puis quand tu commences, ça faut pas s'arrêter en fait. C'est la première fois. Faut pas s'arrêter. On a fait ça jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Ouais, c'est ça. Ils sont arrivés vite, les pompiers derrière. 10 minutes. En sachant, entre 10 minutes et un quart d'heure, en sachant qu'il y a 6 km qui nous séparent. Ouais, et puis on a toujours l'impression que c'est très très long dans ces moments-là. Ouais, ouais, c'est vrai, ma mère, elle disait ça à mon tonton. On avait l'impression que ça avait duré une demi-heure, quoi, le temps qu'ils arrivent. Et tu dis que ta sœur, elle était déjà passée dans l'émission avec nous? Ouais, elle était passée dans l'émission avec nous. Je sais pas si vous vous rappelez, elle en fait. Elle avait appelé pourquoi, ouais. Non, c'est nous deux on avait appelé parce qu'en fait ma mère, moi ça allait pas avec ma mère et en fait ma mère elle voulait me mettre moi en foyer. Ah oui, oui, je me souviens. C'est pas vrai. Et en fait je voulais avoir des conseils et tout ça et j'avais et Romano il s'était foutu de ma gueule parce que j'avais donné mon Facebook. On m'avait dit sur la photo de mon Facebook que j'avais une tête de pinceau avec mes cheveux, voilà. Je me rappelle de toi. Je me rappelle de ton coup de fil. Et voilà. Tu voulais savoir s'il fallait que tu ailles voir ta soeur. De toute façon, ce soir, c'est trop tard là pour aller voir ta soeur. Non, ouais. Ça, c'est trop tard. Ils ont proposé à ma mère de dormir à l'hôpital, mais ma mère, elle pouvait même pas rester avec ma soeur parce que, tu sais, genre, elle faisait des bruits comme si elle était en train de s'étouffer avec les tuyaux et tout ça. Donc ma mère, elle avait mal au cœur. Ouais, elle a des respirateurs artificiels, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Bon, t'es bardé de tuyaux. Ouais. Ouais. Ils t'ont proposé d'aller voir un psy, non? Parce qu'on nous dit que tu dois être en état de choc avec ce que t'as vu. Les gendarmes, ils m'ont donné des adresses de psy à aller voir. Non, mais ça, il vaut mieux que tu suives. Va le faire. Limite, en parles-en demain à l'hôpital. Moi, je serais toi, j'irai à l'hôpital parce que bon, c'est ta sœur. Si tu vas pas la voir, tu vas regretter de pas être allé la voir. Et puis je te disais, le pire, ouais. Tu l'as vu quand t'as découvert à l'heure par surprise qu'elle était. C'est ça, ouais. Elle s'est pendue en fait, ta sœur. Ouais, parce qu'au moins, à l'hôpital, elle est prise en charge et tout ça, quoi. T'as plein de messages pour toi d'ailleurs. Sagnou, bon courage à toi et à ta sœur. Moi, ça m'est arrivé avec une cousine à moi. Elle s'en est sortie, mais on a eu très peur pour elle. Ça, c'est un autre message de Mehmet sur le 41759. Eminem Beach qui nous dit qu'il se souvient de toi quand t'es passé dans l'émission. Jules qui dit bon courage à toute la famille. Donc toi, c'est vraiment pour savoir si tu vas demain. En fait, tu sentiras demain, tu vas. Bah ouais, en fait, ma mère, elle veut y retourner demain. Et y a mon petit frère, ils ont dit les médecins d'emmener mon frère et ma sœur parce qu'on est quatre enfants et tout ça. Et y a mon frère de 6 ans et ma mère, elle préfère pas l'emmener parce que. Oui, non, mais le frère de 6 ans, il faut pas l'emmener. Ouais, non, 6 ans, il va. Ouais, ouais. Enfin, après, bon, moi, je suis pas de la famille, mais je serais quelqu'un de la famille, je dirais pas de. Oui. Non, mais parce que les médecins, tu sais, c'est vrai qu'en même temps, ils ont pas tort. Tu sais, même quand la personne, elle est pas consciente, c'est important de lui parler en fait. Parce que des fois. Ils se rendent pas compte, mais eux entendent et ça leur fait du bien d'entendre des voix qu'ils connaissent. Tu vois, c'est vrai, ça peut les aider à progresser. Bah ouais, mais tu sais, c'est le. Ouais, je sais, du coup, t'as dit le pire, c'est de la découvrir, mais franchement, je souhaite, même à mon pire ennemi, je le souhaite pas parce que vous savez pas ce que ça fait. En plus, c'est votre sœur et tout ça, vous savez pas ce que ça fait. Hein. Bah, un choc, non, sauf ceux à qui c'est arrivé, qui laissent des messages. Bon, en tout cas, merci pour vos messages. À Namori, merci à Slogo, là, qui nous a laissé un message aussi. Il y a Marie qui nous écrit. Faut que t'ailles voir ta sœur, sinon tu risques de le regretter. C'est le message de l'inconnu. Ils nous disent d'aller voir ta sœur demain. Je comprends que ce soit difficile, mais il faut quand même que t'ailles voir ta sœur, sinon tu regretteras toute ta vie de pas y être allé. Force à toi, message de Maxo Max. Bonjour Maxo Max. Il y a Théo aussi qui nous dit la même chose. Peut-être attends, peut-être cette nuit aussi, parce que comme on dit, tu sais, la nuit porte conseil. Ouais. Donc demain matin. Là, c'est tout frais là. T'as une journée un peu, t'as une journée. Ça sera frais aussi. Un peu éprouvante là. Il y a Maëva qui voulait te parler. On va la prendre. Là. Maëva de La Rochelle en direct avec nous. Salut Maëva. Oui, bonsoir. Bonsoir Maëva, t'as 19 ans toi Maëva, je te présente Jordan. Oui, c'est ça. Donc t'as écouté la story de Jordan, c'est pour ça que t'appelles ? Oui, c'est ça, parce que moi-même j'ai fait une tentative de suicide pour mon ex en fait. Mais est-ce qu'on fait vraiment une tentative de suicide pour son ex ou est-ce qu'on fait une tentative de suicide parce qu'il y a l'ex qui va pas bien en fait. Il y a le mec qui va pas, mais autour il y a quand même plein de trucs qui te prennent la tête et tout te prend la tête. Parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a l'impression que personne ne nous comprend. Ouais. Et que, personne. En fait, tu veux que ça s'arrête. Voilà, c'est ça, on veut que tout s'arrête. Et t'as fait ça comment, toi, Maëva ? Pardon ? T'as fait ça comment ? T'as entendu pour la sœur de Jordan ? Je me suis taillé les veines, moi. Ah ouais, donc tu t'es scarifié, mais un peu plus que scarifié, quoi. Ah oui, je me suis taillé les veines, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont mis sous perf et tout. Ouais. C'était quoi? T'avais vraiment envie de mourir ou alors c'était un appel au secours pour dire écoutez-moi, comprenez-moi, tout ça? C'était un truc très particulier en fait avec mon ex. C'est qu'il me frappait dessus, moi. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est cumul de. Oui, c'est vrai que t'as pas eu de chance, toi. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Et puis mes parents qui me comprenaient pas, qui m'engueulaient tout le temps, ils comprenaient pas pourquoi j'étais pas bien et m'engueulaient. C'est clair que si tu vas pas bien dans ta vie, que t'as un mec, bon, en général, le mec, il est là pour te faire aller mieux, enfin, pour te faire passer des moments. Si en plus le mec te tape dessus, je comprends que. Ah oui, mais en plus, il était avec moi juste pour se taper ma meilleure amie, quoi. Oh, bah, sympa. Putain, il méritait vraiment voilà, pas, quoi. Ça, voilà, Romano. C'est le bon numéro. Bon courage voilà, c'est ça. Bon courage à la nouvelle, en tout cas. Tu l'as prévenu que le mec était un peu. Ou alors il se démerde. Avec. Voilà, ça va, là, j'en ai là maintenant, tout va mieux, je suis avec mon copain depuis un an, enfin plus d'un an maintenant. Ce qu'il faudra expliquer à ta sœur, Jordan, tu vois, il faudra lui expliquer que par moment dans la vie, on a des moments un peu difficiles, on rencontre pas forcément les bonnes personnes, elle a pu tomber sur son mec et son mec c'est un con, j'en sais rien, moi. Surtout, son mec c'est un con et c'est et avec il y avait mes potes qui sont arrivés au moment où ma mère et moi on l'avait découvert. Mes potes ils sont arrivés à ce moment-là et quand je leur ai expliqué après que les pompiers ils sont partis, on s'est dit mais on va je vais monter à Vannes ou à Rennes. On va voir une équipe, on va aller cagouler, on va violer toute sa famille, tu vois. Alors, ouais. Oui, je comprends que t'es la haine quand tu vois ce genre de truc qui arrive après. C'est un truc de fou. Entre son mec avec qui ça passe pas et son père qui l'a acheté de chez elle, le délire, moi j'ai envie de casser tout, casser des bouches, tu vois. Ouais, bon, il y a suffisamment de problèmes. Ouais, c'est parce que t'es en colère. Suffisamment de problèmes dans la famille pour que t'en rajoutes pas encore un peu, Jordan. Tu vois. Ouais. Donc pense d'abord, enfin bon, j'imagine que tu penses qu'à ça en plus, mais bon, pense d'abord à ta sœur. Je pense qu'il faut aller la voir demain. Je sais pas, vous feriez quoi vous dans l'équipe? Moi j'irai. Moi aussi j'irai la voir. Ouais, pas à 10h du soir, mais j'irai demain matin. Ouais. Même si c'est difficile, bon maintenant ouais, c'est trop tard. Donc bon, ça l'a encore plus pour elle. Non, mais là dans les cas comme ça, ils te laissent rentrer. Hein. Ouais. Non, pas la nuit, je pense pas. Ah bon. si, bah moi, quand j'avais été mort, mes parents, ils étaient venus, ils les avaient laissés rentrer quand même. Oui, parce que Romano, t'es resté mort combien de temps? 3 minutes. C'est pas des conneries, en 3 minutes. Ouais, c'est vrai. 3 minutes. 3 minutes, j'avais pas un chronomètre à la main, hein, mais quoi, je suis mort une première fois, après une deuxième, après je suis revenu. Revenant. I'll be back. Maintenant, il est là. Non, c'est pour donner un petit peu d'espoir. C'est-à-dire que si elle est prise en charge par l'hôpital, je sais pas du tout quel est son état, Jordan. Mais bon, c'est, ouais. C'est l'endroit où elle est le plus en sécurité, maintenant, là. Mais toi, Jordan, ouais. Tu penses que ça faisait longtemps que c'est arrivé, là, que ta sœur, c'était. En fait, c'est ça que j'ai expliqué. Je sais pas, je crois que c'est Karim et Cédric qui m'ont parlé. Mais c'est ça que j'étais en train de leur expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'entendais des coups dans la porte, comme si on donnait des coups dans la porte, tu vois. Mais pour moi, c'était normal parce que ma sœur est énervée. Elle donne souvent des coups de pied ou des coups de poing dans la porte, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que, en fait, c'était elle qui était en train de se débattre, tu vois, parce que ça devait lui faire mal ou quoi, tu vois. Donc t'as réagi tout de suite, toi, tout de suite, dès que t'as entendu ça. Non, même pas tout de suite, parce que j'ai cru que c'était normal. Parce que ouais, au début, t'as cru qu'elle pétait un câble, ouais. Ouais, tu vois, voilà, ça. Donc du coup, sauf qu'après, j'ai été dans sa chambre pour lui demander si elle était calmée. J'ai ouvert la porte un petit peu, genre un quart de la porte. J'ai passé ma tête pour demander s'il y avait quelqu'un. Je vois, y a personne, alors que j'avais entendu des coups. Et là, j'ai ouvert la porte, et là, c'est là, je l'ai vu, là, j'ai pété un câble. Ah bah oui, j'imagine, ouais. Alors, mais quelle horreur! Dans ma tête, ça a fait des trucs de fou, quoi. Directement, j'ai vu rouge, j'ai vu toutes les couleurs. En tout cas, tes parents, ils ont bien fait de t'envoyer chez un pote, comme ça te permettra de. Ça te permettra au moins d'être très éloigné de l'endroit où ça s'est passé. Bah, c'est ça surtout. Ouais, mais après, c'est ça que. Enfin, je sais pas si tu vas bien, je suis pas sûr que tu dors bien, mais enfin bon. Non. Comme il y a la fille, là, je crois que c'est Maëva, oui. Qui a eu des trucs comme ça, j'aimerais bien voir s'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça, si c'est possible de parler avec eux ou pas, tu vois, parce que j'ai pas envie de me coucher en ayant plein de questions, j'ai envie vraiment de parler à des gens et qui me rassurent, et tu vois, bon, ce qu'on va faire, c'est vrai que ça fait toujours du bien de parler, t'as bien fait de nous appeler, voilà. et pour ceux qui voudraient parler avec toi, même s'il y en a plein qui nous disent, c'est un psy qu'il faut aller voir, Momo, tiens, va voir un psychologue, c'est mieux, parce que ça va être difficile. Ouais, je sais très bien. Ça va te laisser des images dans la tête, ça va être difficile. Appelle le numéro qu'ils t'ont donné. Appelle le numéro, après demande demain à l'hôpital, et puis demain, va voir ta sœur. Ouais. Donc tu passes une nuit, si possible. Tant bien que mal. Le plus tranquillement possible avec ton pote, et puis demain matin... T'appelles ta mère et tu lui dis, bon ben je vais voir ma sœur. J'espère en tout cas, on croise les doigts pour toi, on pense très fort à elle, Jordan, j'espère que ça se passera bien pour ta petite sœur, qui a 15 ans, il y en a qui sont arrivés en plein milieu dans l'émission, sa sœur a fait une tentative suicide, elle a 15 ans, et toi c'est toi qui l'as découvert. Et heureusement qu'il y avait la mère à la maison. Moi, si ça m'arrivait, je serais en panique grave, je saurais pas quoi faire. Tiens, nous dit l'inconnu, là, sur le 41759. Moi, déjà, je lui conseille d'aller voir sa sœur, déjà. Donc ça sera pour demain, donc. Et passer une bonne soirée avec ses potes, de se prendre une cuite, s'il a envie de se prendre une cuite. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour se prendre une cuite, mais... Ça détend toujours. Bah, ça dépend, parce que là, ils badent après. Hein. Après la cuite, ils ont l'alcool mauvais. Quand on est un breton, en général, on s'amuse bien. Le breton est alcoolique. C'est confirmé. Je suis bretonne, je m'amuse bien. Ah, toi aussi, t'es bretonne, très bien. Donc tu parles en connaissance de cause, Maëva. Oui, je suis de 58 aussi. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui iraient mal, ce soir, qui se dirait, ouais, moi ça va pas dans ma vie, j'en ai marre, tout ça. Donc, toi aujourd'hui, tu regrettes pas d'être encore avec nous et aujourd'hui ça se passe bien, t'es heureuse. Non, en fait, c'est... Voilà, c'est... T'as une mauvaise passade, quoi. Voilà, ouais. C'est une mauvaise passade, et en fait... On oui, la passade, c'est la voiture, oui. Oui. il y en a, voilà, il y a beaucoup pire, en fait, dans le monde, et... Bon, en tout cas, bah écoute, merci Maëva du coup de fil pour Jordan. Tiens, on est déjà en train de récupérer les numéros. Il y a Sandrine du 06 qui nous laisse un message. Je veux bien lui parler aussi. Hein, On va te mettre en contact. Il y a un gros Clem là qui est carrément à Plo Armel. Lui, il est prêt à te rencontrer et tout. Putain, mais il y a plein de messages pour toi. C'est gentil. Merci à vous tous. Bah, ça fait plaisir. On va te mettre en contact avec Sandrine, Maëva. Donc tu veux rentrer en contact avec Jordan. Je suis de Plo aussi, dispo. Ouais. Aussi, courage. Plo Armel en force là ce soir. Là, il y a Eric qui nous laisse un message aussi de Plo Armel. Je suis capable de l'aider. Il n'y a pas de problème. Mais tout Plo Armel nous écoute ce soir. Bah, ça fait plaisir. Bon, bah, c'est gentil en tout cas. Maëva, merci du. Il y aurait moyen de gratter un petit t-shirt. Oui, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock à la maison et puis on te met en contact avec Jordan. Jordan, tu quittes pas, tu restes avec nous. Tous les soirs, viens toi aussi rejoindre la plus grande radio libre de France. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Comme quoi, dans la radio libre de Diffoul, on peut vraiment parler de tout. Et Jordan va un peu mieux. Hein. On a eu des nouvelles juste après. Le son de Skyrock, c'est parti maintenant avec Fifth Harmony Work From Home. Et attention, on va parler de fantômes avec Alex de Paris. Il voit des ombres dans sa chambre. Que s'est-il passé? Et puis on va aussi retrouver Florian de Maubeuge qui est cocu. Sa meuf sort avec un de ses collègues. On va découvrir tout ça tout de suite. Radio libre jusqu'à minuit seulement sur Skyrock. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet Rap 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Skyrock, ça fait. Avec le nouveau Jul. Maître Kims. Le nouveau Soprano. C'est Soprano. Jam s'habille plus en Prada. MHD. Le nouveau SCH. Fifth Harmony. Designer. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 720 et gagne ta nouvelle compil Planet Rap 2016. Avec en plus ton enceinte Bluetooth Monster Backflow 65 centimes plus coût d'un SMS. Planet Rap 2016, la compil officielle pour un été premier sur le rap. Cet été, Sam débarque dans les dédicaces sur Skyrock. Dédicace! À tout moment, balance ta dédicace à ton pote Sam en direct sur Skyrock et gagne 2 places pour le Whoop à la rentrée. Un spectacle exclusif réservé aux auditeurs de Skyrock et aux potes de Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water. Les Major Lazer invitent Justin Bieber pour nous livrer un nouveau hit planétaire. Major Lazer et Justin Bieber, Cold Water. Hé, hey, Matza, une pizza à 6€ sur Domino's.fr. Trop bon, vas-y, clique. La pizza Domino's à 6€, c'est seulement sur Domino's.fr pendant les Digital Days jusqu'au 16 août. Valable sur pizza médium à emporter, des gammes incontournables et suprêmes. Hors pizza du moment dans les magasins participants. On est foncé dans la villa de Taz. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup, même si tu donnes le choix, on quittera pas le bain. Découvre le premier single officiel de Shy. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie Shy, qu'on veut. Son single BMW, disponible partout. Tout paraît simple. Vous l'aimez, il vous aime, mais... M au 73-400, nos experts vous diront si vous êtes vraiment compatibles. Amourette de vacances ou le grand amour. M, A-I-M-E au 73-400, vous saurez tout. Alors envoyez M au 73-400. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante, on dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Drake. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. I'm way too good to you. Drake, nouvel album Views disponible. Diffoul Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Avec Fifth Harmony Work From Home, à écouter maintenant Alex de Paris. On l'entend juste après avec les ombres et les fantômes. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work. Let my body do the work. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work. But you gotta put in work. You don't gotta go to work. And my body do the work. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Girl, gotta work for me. Can you make a clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. I'm gon' juice, she finesse. I fight books, she take that. Put in overtime on your body. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. What the fuck? Tout peut arriver. Bon, alors, Alex de Paris, qu'est-ce qui t'arrive, Alex? Pourquoi tu nous appelles, toi? Dis-nous. En fait, parce que le matin, quand je me réveille, genre, je vois une ombre noire, comme dans Paranormal Activity, sur mon mur. Comme dans Paranormal Activity. C'est moi, si je suis fou. Alors, est-ce que tu as vérifié si tu avais une lampe d'allumée derrière toi? Et que c'était ton ombre? Ouais. Parce que là, regardez, je vais me mettre derrière, j'ai une lampe au-dessus de moi. Regarde, Marie, il y a une ombre noire sur la table. Ah bah ouais, je vois. J'ai peur, il y a un fantôme dans le studio, monsieur Grenouille. Non mais je vois que c'est toi en revanche. Il y a une ombre sur la table qui bouge. Ah oui, il y a une ombre, effectivement. Ah, mais c'est vrai, il faut vérifier si tu as pas une lampe derrière toi. Parce que par exemple cet été, j'aime autant te prévenir, ouais. Ça peut t'arriver également sur la plage avec le soleil. Il peut y avoir ton ombre qui se reflète sur le sable. Et ce n'est en rien un fantôme. Ou qui te suit. Oui, il y a un type qui peut te suivre toute la journée. Ouais, même dans les rues, partout. Oh là, il y a un gars, il me suit, je me suis embrouillé avec, je vais marcher dessus. Non. Et il continuait. Donc comme tu le vois, Alexandre, Romano et moi, on y croit moyen, toutes ces histoires d'ombre, tout ça. Mais explique-nous en détail, parce que bon, on sait jamais. Et puis je sais que vous êtes nombreux à croire à ce genre de truc. T'as des nouvelles du chétan, Karim, ou pas? Ouais, il te passe le salam, man. Très bien. Romano, si tu as des nouvelles du chétan, tu nous fais signe. Mais lui, il est en lui, je crois, le chétan. Déjà avec, en Romano. Avec là, il est possédé, le mec. Il peut peut-être venir à n'importe quel moment, hein, tu sais. Ouais. Alors, raconte-nous un peu ce qui t'est arrivé. Alors, en fait, j'en ai parlé à ma mère et elle me disait, oui, peut-être que c'est à cause de problèmes de lunettes. Ta mère, elle est basique, elle est un peu comme nous en fait. Moi, j'ai pensé à la lampe qui est allumée derrière et qui faisait une ombre. Toi, tu penses, et ta mère pense à un problème de lunettes. Bah, c'est vrai qu'elle a pas tort. T'es peut-être complètement bigouche, mon pauvre. Elle cherche un truc de rationnel, la maman. On peut comprendre. Pas forcément. De quoi? Non, mais ça peut être aussi, par exemple, tu sais, à travers les volets. Genre, t'as les arbres qui bougent, tu sais, avec le vent. Alors, explique-nous quand est-ce que ça s'est passé, Alexandre, dis-nous. Ouais. C'est le matin, et quelquefois, genre, je suis en plein taf, je fais mes devoirs, ouais. Et je vois, genre, une grosse onde sur le mur, et je me demande c'est quoi, je frotte mes yeux, et deux secondes après, ça y est quand même, et après, bah, ça repart. L'ombre a disparu. Mais alors, t'es pas réveillé. Je vais m'adresser. Ah, si, il est en train de faire ses devoirs, Marie. Ouais, enfin, quoique, c'est vrai que pendant les devoirs, tu peux dormir aussi. Ouais, c'est, ça. C'est vrai que tu peux te faire une petite sieste en faisant des devoirs. Tu peux être dans le cul. Hein. Tiens, je vais faire un petit devoir, je vais commencer par du français. Exactement. Tu te réveilles une heure après, j'ai fini. Voilà, et là, tu vois une ombre. Pourquoi pas? C'est pas con. Ah, mais vrai. Non, mais alors, je vais demander à ceux qui croient à tous ces trucs, d'où est-ce que ça peut venir? Donc, ceux qui y croient, allez-y. Les autres, vous pouvez laisser des messages aussi. Il y a Mario, chétan, d'ailleurs, qui vient de nous laisser un message et qui nous dit c'est le chétan. C'est le 3 fois elle l'a mis. Moi je voulais c'est te demander. Le chétan. T'as déjà appelé, tu sais, le truc, t'as appelé les esprits dans ta chambre ou quoi? Le non truc, t'as appelé les esprits dans ta chambre? Non, jamais. Chez toi non plus? Non, jamais. Non, ah, bon, bah. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un esprit qui est venu mais qui a oublié de partir? Ouais, genre, resté, man. Parce que tu sais, quand t'appelles les esprits, faut que tu casses le verre à la fin. Ouais. Et peut-être qu'il a pas cassé le verre ou je sais pas, il a mal cassé. Moi, le verre, je le bois, monsieur. Eh ben, bravo, Marie. Félicitations. Et j'aime pas les verres vides. Mais qu'est-ce que c'est que je bois un verre avec les chétanes. Les esprits. T'as peut-être une tache sur le mur, nous dit là sur les messages. Il y en a plusieurs qui nous ont dit ça. Ou alors t'as une tache dans les yeux. Mon mur, il est pas en bleu. J'ai une question, moi. Ah, Marie, question. Tu t'es déjà réveillé ailleurs que chez toi? Ouais. Est-ce que ça te le fait aussi? Ouais, très bonne question, ouais, ça me le fait. Ah ouais, bah donc, c'est donc ça vient de toi. Bonne question, ah donc ça vient de toi. Ça vient de toi, ton ailleurs. Une fois de plus, je crois que j'avais raison. Non. Moi, je pense un peu comme Karim. Et si l'esprit te poursuivait? Exactement. Et si l'esprit te poursuivait, t'imagines? Mais non, ça vient de ton œil. Ouais. T'es complètement biglouche, man. Achète-toi des lunettes. Tu crois aux esprits? Alors attendez, on nous dit de manière rationnelle, ce sont des projections du cerveau, car nos cerveaux sont holographiques. Appelle-moi, je peux t'expliquer vite fait. Hors antenne si tu veux. Ouais, je l'ai appelé. En fait, c'est Zarzad de Cherbourg. Ouais, je l'ai appelé. Le mec, il m'a dit c'est trop compliqué, je vais vous faire mal à la tête. J'ai fait assez, ça me fait mal à la tête déjà. Donc on a. Non, mais il a entendu que c'était Samy. Zarzad, t'as entendu Samy qui t'appelait, tu t'es dit il va pas comprendre. Non, mais il m'a dit direct. Bonjour, je t'appelle. Gretzky, OLOM, tu veux parler de l'OM? Non, mais il m'a dit, je vous préviens, ça fait mal à la tête énormément. Je fais oulala, c'est trop compliqué. Donc des projections. En fait, pour résumer, le cerveau créerait des images que tu verrais mais qui n'existent pas. Voilà, en gros, si je traduis à peu près. Ça s'appelle des alus en fait. En gros, c'est un peu. En fait, pour résumer, t'as des hallucinations. Mais c'est tout à fait normal. Voilà, moi j'ai des aluminium. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça. Moi, j'y crois à ce genre de truc. Ah bah tiens, tu vois. Message de l'Albanais également. Moi, j'y crois aux trucs paranormaux. C'est lui la tâche. Ah, lui, il y croit pas du tout. C'est Stanislas, c'est lui qui croit pas du tout. C'est peut-être Michael Jackson qui vient te voir. Michael Jackson, le retour. Je suis Satan, nous dit le The Legend Killer. Je suis Satan. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis Satan! Merci! De taré. Je viens des ténèbres. Bonjour, Karim! Oh, Starfallah, mais t'es un ouf. Tu cries comme ça? Mais qu'est-ce que je viens des ténèbres? T'imagines, Karim? Où sont mes effets spéciaux? Envoyez-moi des flammes. Les flammes de l'enfer. Il allume Sky et il entend. Merci, Satan! Bon, tu vois d'où Alex, non, on en rigole. Tout à fait normal. Karim, il en rigole moins quand même de ces trucs. Hein. Ouais, moi ça me fait flipper moi. Cédric aussi, toi, tu rigoles moins de ces trucs. Ah, ça dépend des trucs, tu vois. Je suis Satan, Cédric. En plus, histoire des ombres, non, ça me, j'y crois pas, tu vois. Histoire des ombres, t'y crois pas. Mais les trucs des esprits, ouais, j'y crois. Ah, ben ça peut être un esprit qui a une ombre. Ah ouais. Si ça se trouve, c'est ta famille qui te fait une blague et qui te fait ça. Ça va, c'est pas con. Jason, qui a 19 ans, ouais, qui nous envoie un message. Sa mère qui se promène. Ouais, c'est la blague qui ne s'arrête jamais quand même. Non, c'est naze. Bah oui. Samy, toi, t'es. Non, ça me touche pas trop là, ce que tu racontes. Encore des fois, je peux avoir peur, mais ça, là, ça va. Là, ouais, moi, va. Pareil. Ouais. Moi, j'ai peur d'une équipe de Paris. Et Satan dans le studio, c'est bon, tranquille. Le PSG, Satan. Oui, je suis Satan. Moi, il me fait rire, moi, ce Satan. Mais tu as envoûté l'équipe de Marseille, c'est pas possible. Satan, tu leur as fait quoi cette année? Faudrait nous laisser tranquille. J'ai complètement fait foirer, c'est une Voilà. Bon. On peut changer un Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Alexandre? Tu vois, c'est super partagé. De toute façon, chaque fois qu'on parle de sujets paranormaux, alors là, c'est vrai, c'est une ombre. C'est vrai, on n'avait pas parlé d'ombre qu'on voyait comme ça. Je suis Satan. Non. Eh bien, oui, je sais que tu es Satan. Oui, je suis Belzébuth. Bonjour, madame la pute. C'est non, complètement débile, celle-là. Je suis Belzébuth. Salut, belle pute. Salut, belle pute. Non, toujours pas. Ouais, okay. Bon, je suis Satan, le diable, c'est moi, voilà, le diable. Reste là-dessus, c'est mieux. Donc c'est partagé, ceux qui croient pas, ceux qui pensent que t'es complètement taré Alex, ceux qui pensent que nous on est complètement fous de pas y croire. Ça c'est le les messages que vous nous laissez. Ah bah il y en a ouais. Il y a l'Africain qui nous laisse un message et qui dit fool, rigole pas, c'est dangereux, rigole pas. C'est bien noté, l'Africain. Voilà, Lyon, hein, Lyon, il faut pas rigoler. Super, sérieux. A priori, ne faut pas rigoler là. Ouais. Interdiction de rigoler. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, nous, Alex? Bah, c'était pour savoir s'il y avait d'autres personnes qui avaient eu ça, ou si vous pouvez me mettre en hors communication avec lui, ou. Et dis donc, Alex, voilà. Si on demandait aux esprits de nous passer un coup de fil. Parce que là, regarde, je vois les messages. Les esprits existent. C'est le message du Grenoblois du 38. Salut le Grenoblois du 38, 17 ans. Big up. Les esprits existent. S'ils existent vraiment, ils peuvent nous écouter. S'ils nous écoutent, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Lançons un appel. Satan, appelle tous tes amis esprits, s'il te plaît. Amis esprits, venez sur Skyrock, ici c'est super, il y a des flammes. Dis-leur que c'est chaud, Skyrock. C'est chaud. Méfiez-vous, il y a Cédric qui est très très vilain, mais vous pouvez quand même venir. Parle bien, toi. Ah, parle pas comme ça à Satan, il va te faire une saloperie, Cédric, méfie-toi. Hein. Mais t'as quoi, fais gaffe. T'es un ouf. Tu viens de foutre un vent, Fred, Romano. Ouais, attends, bonjour, Fredo, le planète. Il vient, lui, il veut lui taper dans la main. C'est un esprit, ça. Tiens, Fred. Alex, on a Fred, le planète rappeur, avec nous. Mm-hmm. Viens voir, Fred. Ouais, oui. Toi, à mon avis, t'es du genre à y croire. Il est possédé, lui aussi, ça se voit. Moi, je suis déjà possédé. Les esprits, les machins, tout ça. T'as déjà vu des ombres? Ah bah, quand je me regarde, ouais, je flippe. En pleine nuit. Tu vois son ombre. T'as peur de toi? Ah ouais, parfois je me fais peur, ouais. Bah, t'as raison. Mais dans des moments où tu es à peu près normal, c'est-à-dire quelques heures par semaine, est-ce que les histoires d'esprit ça te touche, ou alors est-ce que t'es comme Romano et moi, t'y crois pas? Bah non, pas du tout, je m'en tape. Ah bah voilà, tu vois. Ouais, et moi aussi. Il y a quand même des gens bien à Skyrock. Il y a quand même des bonhommes. Et il y a des vrais bonhommes. Bon, on va demander donc à ceux qui y croient pas de nous laisser des messages. Bon, Florian, t'es à Maubeuge, toi. Salut, Florian. Ouais, Florian. Ouais, salut, l'équipe. Ah. Ouais, donc, je vous appelle parce qu'il y a ma meuf, ça faisait 3 mois que j'étais avec. Oui. Et je travaillais avec un copain à moi en entreprise, en entreprise en Belgique. Et lui. Bonjour. Bonjour. Que tu es une entreprise que tu es de frites. Touillère des frites. je touille. Est-ce que tu touilles des frites et du matin jusqu'au soir? Je touille. Donc je suis rentré avec lui il y a déjà 5 ans déjà, je suis ami avec lui tout ça, donc on a mangé tout à la maison, je lui ai présenté ma fiancée tout ça, et lui, il y a un autre collègue à moi qui les a surpris dans un grand centre de commercial, je m'éterrais le nom. Ouais. Et il a repris des photos en se tenant la main et tout ça. Ah, il se tenait la main? Alors, ah, il t'a piqué ta meuf, le Belge? Voilà. Ah, là, vous voyez que je l'ai fait, que les coquilles. Je touille pas. Mais quand c'est un ami, c'est. Que... je touille. Que j'ai arrêté de touiller pour la niquer. Ah ouais. Je vais touiller dans le chat. Et ta meuf t'a dit, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 3 mois. 3 mois. Ah bah, 3 mois. Oui. T'étais très attaché ou c'était juste comme ça? Non, j'étais très attaché, on habite ensemble et tout. Ah ouais, déjà, au bout de 3 mois. Ah ben, que je l'ai bien. Il y a ça, mais il y a surtout ton pote. Que je l'ai bien niqué, le français, tiens, saloperie, pourriture. Là, je suis en avertissement parce que je me suis battu avec et. Ah ouais, vous êtes tapé dessus. Ouais, qui m'a tapé sur la gueule. Alors que je touillais tranquillement mes frites. Non mais déjà ça en dit long sur la meuf. Ah, limite il t'a rendu service, parce qu'il vaut mieux que ça t'arrive au bout de 3 mois de relation avec ta meuf que ça t'arrive. Ouais, mais tu te dis quand même que lui c'est un bel enculé quand même. C'est ça, ouais, la meuf aussi, hein. Ah mais oui, non mais bon, non mais pour rééquilibrer, mais ouais, t'es dégoûté parce que tu te dis ouais c'est une vraie salope, oui. Mais ouais, tu te dis lui c'est quand même un bel enculé aussi. Que je lui ai bien touillé la chatte. Ah ouais, que ça touille à tout va. Touille dans des frites du con pendant ce temps je nique ta meuf. Eh ben tu crois que non mais bon, à la limite, il vaut mieux rigoler. Mais tu crois qu'il l'a sauté chez toi, chez vous, dans ton lit? Je sais pas parce qu'elle avait les clés et tout ça. Et ah ouais, pas. C'est possible. Ouais, que ah, ça se fait pas. Que l'autre, ah il, ouais, est, que l'autre il est en train de truiller, qu'on va aller baiser chez lui. Voilà. Et qu'est-ce que quand que vous êtes battu, la bite dans ses draps. Tu lui as dit quoi quand vous êtes battu? T'as eu le temps de lui parler ou tu l'as sauté dessus? Parce que j'étais sur un chantier, et je l'ai vu débarquer, je lui ai jeté deux clés, il les a évitées, après j'ai sauté dessus. Ah ouais, vous avez même pas discuté. Qui m'a acheté une clé à molette? Vous voyez, qui m'a acheté des clés? Non, c'est pas grave, j'ai déjà les clés de chez lui. Non mais c'est normal, voilà. Tu te sens trahi, t'as la rage. Ouais, mais fais gaffe parce que bon, oui, bon, il faut pas oui après je comprends que t'aies envie de lui péter la gueule, mais pense à ton taf. T'aurais jamais dû, il y a Florian qui laisse un message, t'aurais jamais dû lui présenter ta meuf, Florian du 80. Ouais, voilà. Mais bon, t'as pas deviné. Oui, et puis t'as, c'est normal, tu sais, au bout d'un moment, t'es posé avec une meuf, et si t'as des potes, tu vas pas vivre cloîtré. Ouais, puis avec, lui, avec toi, s'il vient dîner, forcément, il va l'avoir. Quoi. Ouais, toi, tu pensais, à aucun moment, t'as pensé que le mec, il pourrait la sauter, et qu'elle dirait non, oui, non. En plus. Bah oui, ouais, c'est voilà, comme ça, c'est vrai. T'as vu comme je touille bien les frites, bébé. Et là, genre, du coup, c'est. du coup, il a, juste, il la baise ou c'est devenu sa meuf? Bah, je sais pas, parce qu'apparemment, il se voit souvent. Bah, toi, si c'est devenu sa meuf, essaie de la rebaiser, gros. Mais toi, t'es encore avec, du coup? Non, je suis plus avec. Ah, t'as bien fait, ouais. Ça fait déjà un mois que j'essaye de l'appeler pour savoir des explications. Ça fait un mois qu'elle me parle plus. Que je lui touille la chatte en ah, bah ouais, ouais. Il y a Victoria, 18 ans, qui disait à peu près la même chose que toi, Karim. Essaye de briser leur couple à ton tour. Damien, mon meilleur pote m'a piqué ma meuf alors que ça faisait 20 ans que je le connaissais. Oh, ah, putain, t'as un pote d'enfance. Ah, bah ouais, tu le connais depuis que t'es né, pratiquement. Et donc, il t'a piqué ta meuf. Putain, la trahison. Quoi. Ça, c'est encore pire. Ah, les enculés. Toi, c'est un pote de travail, c'était pas un ami, en fait, toi, Florian. Ouais, mais ça faisait 5 ans que je le connaissais quand même. Ouais. Donc, oui, si, ça. Ouais, c'était quand même un pote. Bah, s'il vient bouffer chez toi, oui. Son pote, c'est une crevure. Il venait manger, donc j'allais le chercher, j'allais travailler, il venait me chercher. Oui, donc il y avait quand même des relations entre vous. C'est Fred qui dit que ton pote c'est une crevure. C'est normal qu'il le tape. Non, non pas mais de violence. Tu sais, bon, je suis vicieux moi. Oui, vicieux. Aussi, je suis très vicieux, Romano. Non, mais tu sais, par exemple, quand il est venu, il est revenu. Bon, il est venu bouffer qu'une fois à la maison. Non, il est bouffé trois fois. Ouais. Tu sais que pour un peu. Fois, il a bouffé la chatte de ta meuf. Non, mais où, oui. Bon, la première fois, je pense pas, mais peut-être la deuxième et la troisième fois. Des fois, toi, tu te barrais dans la cuisine chercher un truc. Il se galochait rapidement. Mais obligé, mais encore obligé. Pire, gros. Peut-être le sucer vite fait. Ça devait les exciter, quoi. Non, tu sais, peut-être même quand vous étiez tous les trois à table avec son pied, lui toucher la bite. Vous êtes des enculés de dire ça, le pauvre. Il a déjà assez de galère comme ça, le pauvre Florian. Et des fois, il devait aller aux toilettes, il devait aller baiser. Dans les toilettes en traite quand tu étais là et tout, obligé. Et je te disais, c'est un mauvais moment à passer, mais au moins tu sais ce que vaut la meuf avec laquelle t'étais. Ah ouais, non, mais il faut pas avoir de regrets, ouais. Et en plus, tu vois, je pensais même pas, et tu vois qu'elle était comme ça, tu vois. Même lui aussi, je pensais même pas qu'il pouvait faire une trace comme ça. Quand je dis, ça t'a au moins permis de découvrir comment elle était ta meuf, mais ça t'a permis aussi de découvrir comment elle était ton collègue. Et le mec, pendant toute la période, là, il était normal avec toi, quoi. Genre, il. Bah, ouais, il était normal. Ah non, tu vas bien. Ta femme, comment elle va? Elle a mal au cul, là, un peu, là, je crois. Est-ce que tu as fait une sextape avec son demande? Non. Et toi, pendant la période où tu savais pas qu'elle couchait avec lui, tu couchais avec elle aussi ou pas? Ouais. Mais beaucoup ou moins? Un peu moins. Ah ouais, t'as senti le. Ah bah oui, bah évidemment, elle s'est dédouillée par l'autre, donc. C'était pas régulier, quoi. Bon, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, Florian? Bah, pour voir s'il y avait des auditeurs. Qui s'est arrivé? Voilà, si je lâche l'affaire ou. Ah non, mais la meuf et le pote, je pense que tu faut les laisser tous les deux. Ouais, c'est bien, mais bon. Après, le mec, faut juste que t'arrives à le supporter au taf et. Ça je pourrais pas parce que j'ai rendez-vous avec le syndicat et tout ça et ils veulent pas me changer de chantier quoi. Non mais après c'est un mec avec lequel tu travailles, tu peux très bien travailler avec lui sans lui parler. Ah non, je peux pas. Ah ouais, à ce point. Ouais, c'est physique, tu vois sa gueule, t'as envie de lui rentrer dedans. Quoi. Non mais dans ce cas-là, j'ai envie de le tuer. Eh mais dans ce cas-là, il a tout gagné, tu vas perdre ton taf, il t'a piqué ta meuf, tu vois, garde au moins ton taf quand même. Ouais, mais bon, ça du taf, je peux en trouver encore. Bon, si tu peux changer facilement, oui. Limite change, ouais. Ouais, c'est mieux. Parce que je pense que ça va mal se passer. Ouais, est-ce qu'il vous est arrivé la même chose? Dites-nous. Alors, Chloé, bon, toi, tu tombes bien. Parce que j'ai demandé des témoignages de filles. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a eu un paquet de gars qui nous ont expliqué sur quel site ils allaient pour serrer des meufs. Donc, on a eu, bon, Smax, classique. On a eu Badou. Lovoo, Apple, adopte un mec, etc., etc. Des sites ou des applis. Et donc toi, t'as trouvé l'amour sur une appli, sur un site. C'est comment que ça s'est passé, toi? Moi, j'ai trouvé sur adopte un mec. Mais l'amour ou alors un petit coup comme ça? Non, l'amour. Carrément l'amour. Waouh. Il t'a, tu l'as adopté. Il t'a séduit, voilà. Tu l'as adopté. Putain, je suis là-dessus, mais moi, j'ai pas serré encore. Eh ouais, c'est dingue, ça, Cédric. Étonnant. Et tu te fais adopter ou pas, man? Hein? Tu te fais adopter? Ouais, par 2-3 meufs, mais tu sais, rien de concret. Quoi. Rien de concret. Alors, comment ça s'est passé, toi? Pourquoi tu t'es retrouvé là-dessus? T'étais un peu seul? Comment ça s'est passé? Ben, non, moi, c'est parti d'un délire. C'est un pote qui m'a inscrit. et en fait, je voulais pas y aller. Et puis, j'ai été pour voir le concept. Je voyais les pubs, tout ça. Donc, j'ai été pour voir le concept. Et en soi, le concept pour une meuf, il est bien. Pour les mecs, je sais pas. Après, pour les nanas, c'est pas mal. Et puis en fait l'avantage c'est qu'on peut choisir du coup les profils qu'on veut. En fait vous arrivez avec votre petit caddie, vous mettez des mecs dans votre caddie. C'est ça. pour ouais, c'est ça. Mais les mecs qui peuvent envoyer des, je crois que c'est des coups de cœur ou je sais plus. Des coups de queue aussi après. Ça c'est tout. Ça c'est après la rencontre. Ça c'est à la fin. Ouais, ça c'est en live. Ouais, c'est juste après la rencontre, petit coup de queue. C'est ça. Bah écoute, tant mieux, c'est oui. Ça. C'est ça. Bah oui, c'est quand même le but. Hein. Donc les... Et puis après, toi, tu valides ou tu valides pas le profil. Et une fois que tu l'as validé, c'est là où tu peux commencer, toi, à parler avec le mec. Et toi, tu l'as trouvé au bout de combien de temps, le gars? Au bout de combien de mecs? T'en as testé combien avant d'adopter ouais, le ouais, avant de trouver le trois. Bon. Trois. Ah ouais, quand même. Trois. On en parlait tout à l'heure. T'as eu combien de mecs qui t'ont contacté? 3000. Il y en a eu pas mal. Après, j'ai fait mon tri. Et après, j'en ai sélectionné 4. Et il y en a 3 à qui je parlais avant lui, et après j'ai arrêté de parler aux 3 autres. Mais tu en as pas rencontré, ouais, les 3. Tu les as pas rencontrés tous les 3, t'as rencontré juste le bon. Tu as fait une sélection, quoi. D'accord. Et c'est dingue que ça ait marché, c'est-à-dire que ça fait combien de temps que tu connais ton mec, tu l'as rencontré sur Adopt a Mec? 3 ans et demi. Ah ouais? Ah ouais, quand même, ouais. Donc c'est une histoire. Ouais, ça tient debout, ouais. Tu peux remercier les potes qui t'ont grainé à t'inscrire là-dessus. Et lui, ton mec, il cherchait quoi? Des plans cul ou l'amour? Plans cul, non. Au début, ouais. Oui, mais ouais, voilà, ouais, mais après les mecs qui sont là-dessus, hein. C'est pour baiser. Bah, les meufs aussi. Je pense aussi, c'est pour ça que je faisais. Les meufs, elles savent très bien. Les meufs, moi, j'y allais pas pour ça. Non, mais bon, elles sont bébés. Tu vas y passer, bah oui. Parce que tu sais très bien que les meufs, elles savent très bien que tous les mecs qui sont là-dessus, ils ont envie que c'est des daleux. C'est de tringler, quoi. C'est le rendez-vous des daleux. Adopte un mec. Bon, bah écoute, super. Donc. Et genre, qu'est-ce que tu conseillerais aux mecs comme Nabil là, qui galèrent même avec les applis? Toi, il y a des trucs qui marchaient quand les mecs ils te Ah ouais, qu'est-ce qu'il faut dire aux meufs quand on est sur le site? Des accroches. Bah déjà, il faut qu'il complète son profil entièrement et qu'il soit vraiment sérieux. Enfin, non, mais faut y aller cash. Il faut y aller comment? Ouais, faut dire vraiment ce qu'il veut et puis. Il vient baiser. J'ai envie de baiser fort. J'ai envie de baiser. Ceux qui envoyaient des messages et c'était question-réponse. Au bout d'un moment, j'arrêtais de parler. Ok, essayez de choper un numéro rapide, on nous dit aussi là sur les SMS. Moi je chope que des 0800 et quelques. Ah ouais. Fais gaffe Cédric, c'est des numéros payants. J'ai le numéro d'une meuf, c'est Pamela, elle est trop bonne. Oh ouais, bah oui. Elle a une trop belle voix. Demande-lui son profil, dit Foul, nous dit Smain. Ah non mais elle est casée maintenant Chloé. Tu vas plus, c'est fini maintenant, adopte mec. Non, j'y vais plus. Terminé. Et t'es sûr que ton mec il va plus non plus? Ah. Oui. Ah, oui. Bah, d'accord. Tant mieux. Bah, écoute, tant mieux. Ça fait 3 ans et demi, oui. Bon, ben, super, votre rencontre. C'est marrant. Ouais, c'est mignon, comme ça. Mais il y en a plein, qui se rencontrent. Oui, ça arrive. Non, mais ça fonctionne vraiment. Moi, je connais d'autres personnes qui se sont rencontrées, qui ont eu des enfants et tout. Voilà, après, faut tomber sur les bonnes personnes et voilà. Absolument, oui. Donc, toi, t'avais 17 ans, t'étais là-dessus, t'as trouvé ton mec. Il avait quel âge, ton mec? 58. Ah bon. Ouais. Non, ouais, il était jeune. 19. Ouais, vous êtes pratiquement au même âge. Bon, ben super, Chloé. Eh ben, soyez heureux, beaucoup d'amour pour vous, éclatez-vous bien, et merci pour le conseil. Je suis sûr qu'il y en a qui vont tester ce soir. Et puis, si vous avez testé d'autres sites, ou si vous avez eu des rencontres un peu bizarres, qui, à la suite d'une. Genre des surprises. D'un contact virtuel, comme ça. Et ouais. Oui. Genre désolé, ce n'est pas ton genre de chance. C'est-à-dire que le mec, au départ, il a 19 ans, puis tu le rencontres, il en a 69, il s'est trompé de touche. J'ai pris un coup de vieux. Ah ben, bah, excusez-moi, j'ai tapé un 1 bah, à la place du 6. On prend le risque, hein, aussi. Après, les fois où, enfin, si les gens viennent à se rencontrer, rencontrez-vous dans des lieux publics au début. Ouais, ouais, bah, il vaut mieux, ouais. Oui, il faut éviter les caves et les terrains vagues. Ouais, c'est ça, ouais. Soir, de 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock, la plus grande radio libre de France, tous les soirs de la semaine, même l'été, entre 21h et minuit. Une nouvelle histoire à découvrir dans un instant. C'est celle d'Abdel, 25 ans, qui est un auditeur de Skyrock, qui préfère baiser des traves plutôt que sa meuf. Il y aura des témoignages et des réactions, notamment Chloé, un drag queen de Lyon, qui va nous en parler. Et juste avant du son à écouter. C'est l'été, on se fait plaisir. Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Young, Wild and Free sur Skyrock. Radio Libre avec Difoul et toute l'équipe jusqu'à minuit. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500 € dans le Morning de Difoul. C'est vrai ? Mais oui, The Morning Show. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Eh, hey, Matza, une pizza à 6 € sur Domino's.fr. Trop bon, vas-y, clique. La pizza Domino's à 6 €, c'est seulement sur Domino's.fr pendant les Digital Days jusqu'au 16 août. Valable sur pizza médium à emporter, des gammes incontournables et suprêmes. Hors pizza du moment dans les magasins participants. Kent Jones, son tube Don't Mind cartonne dans le monde entier. Ken Jones, son single Don't Mind est disponible maintenant. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile, tu peux te mettre au sport,

J'ai une bonne bite là. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Qui c'est qui dit j'ai une bonne bite? Bon, t'es Samy, tu viens d'en lâcher un, c'est qui? Vas-y, bah, là il y a Christophe si vous voulez. Il y a Christophe. Alors on va appeler Christophe et de l'autre côté. Alors attends, Christophe et Thierry, c'est ça? Ah, c'est Thierry. Ah, c'est Thierry. Moi oui. J'en avais plusieurs, on peut faire Christophe et Thierry si vous voulez. C'est lui, t'as eu la femme et tu m'as dit c'est des ouf. C'est ça, ouais. Un coup le mec, un coup la femme. Ils comprennent rien. Ah bah eux, je pense qu'ils sont un peu allumés. Bon, et eh bien écoute, c'est exactement ce qu'il nous faut. Merci. Ah bah parfait ça. Merci pour tous les numéros que vous nous laissez sur le 41759, sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez tout ça et on les appelle avec vous tous les soirs sur Sky. Ça sonne. Oui, allô? Oh, Tintamar. Allô? Le bordel. Oui. Oui. Oui. Bah, en fait, on entend du bruit dans le téléphone, on sait pas ce que c'est. Ah. C'est. Je suis en train de me faire un bon pied parce que j'ai des pieds qui sont très gonflés. C'est tout simplement pour masser les pieds et les mettre dans l'eau froide. Oui. Oui, et c'est pas un vibromasseur, non. D'accord. Mais non, en fait, j'entends rien avec le bain de pied. Non, mais je suis la femme de Christophe, hein. Voilà. Et vous, vous êtes qui? Ah, je sais pas. Moi, je suis Thierry. Non, mais c'est un truc de fou, là. Ouais, c'est les grosses conneries, ouais. Non, mais c'est vous qui m'appelez. Bah, mon téléphone est en panne. Bah, non, c'est pour ça que je vous appelle pas du tout. Ouais. Bah, je me demande bien. Hein? Mais c'est qui, c'est Thierry qui? Est-ce que ça a à voir avec le mushing? Le mushing? Comment? Brushing. Est-ce que ça a à voir avec le mushing? Le mon push. Mari est musher amateur. Ah, bah Cédric, il est musher pro. D'accord. Et moi, ça n'a rien à voir. T'es musher pro. Je sais pas ce que c'est. Mais qui, moi? Parce que je parle à deux personnes, là. Ouais, donc c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile, non. Bah, en fait, c'est pas moi qui ai appelé, là. C'est téléphone qui a sonné, donc. Ben, moi, c'est pareil. Ben, voilà. Ben, voilà. Et c'est quoi ce délire, là? Ah, j'en suis foutre rien. C'est pour moi, toujours. C'est qui? Ben, bonne question. Ah, bah. Oh, réponds! Ça m'a que vous parlez ou pas? Wow. Non, mais je raccroche. Moi, je suis moche. Je suis moche. Allô, madame. Et non, mais vous avez un pet? C'est qui, là? Je suis moche. Pauvre malade, là. Je suis moche professionnel. C'est moi, je suis un gros moche. Je suis moche. C'est pas ça, Cédric. C'est pas ça. Je suis un moche professionnel. C'est pas ça. C'est quoi ce qu'elle disait? Voilà. Mais c'est les mecs qui font du chien de traîneau. Ouais. Les mocheurs. Ouais, les mocheurs. C'est ceux qui dirigent les chiens de traîneau. Chiens, c'est ça, ouais. Ah, c'est pas les gens moches. Non. Ah, je suis un mocheur. C'est pour ça, complètement ravagé. Et là j'ai reçu un message parce que je regardais les messages la semaine dernière, j'ai pas trop lu vos messages. Je regardais un petit peu ce que vous nous avez envoyé ces derniers temps. Et on a Abdel qui nous a envoyé un message. Alors Abdel qui a 25 ans et qui est dans le 93. Alors Abdel, tes voisins, Cédric, qui nous explique pourquoi il va voir les travestis et pourquoi il préfère aller voir des travestis que des meufs normales qu'on peut trouver en boîte, tout ça. Ouais. Alors d'après vous, pourquoi il préfère les travestis? Elle suce mieux. Alors je précise un truc, Abdel qui nous le précise. Alors dès le début du message, il a une meuf depuis 4 ans. Donc il est avec une meuf, il est casé. Et quand il va baiser en dehors, il va pas baiser d'autres meufs, il va uniquement baiser des travelots. D'après vous, pourquoi? Pour les enculer. Alors d'après vous, pourquoi Abdel, il nous explique qu'il préfère aller voir des travestis plutôt que des femmes? Moi j'ai fait deux propositions qui n'ont pas été notées. Alors d'abord une proposition. Alors on nous dit parce qu'elles sont sexy, elles ont de la lingerie fine, tout ça. Non, elles sont sexy. Attends, je vais te présenter des travestis. Des femmes aussi. Parce qu'ils cassent moins les couilles, non? Autrement les aisses de Cédric, elles cassent moins les couilles. C'est normal parce qu'elles savent qu'elles en ont. Non, mais c'est normal. Qu'elles savent ce que ça fait si on casse les couilles. Voilà. C'est mal. C'est-à-dire qu'une meuf, par exemple, pour si tu veux niquer avec une meuf, tu vas te casser les couilles. Faut que tu lui parles pendant je sais pas combien de temps. Alors qu'un trave direct, c'est bim bam boum, non? C'est pas ça, mais c'est. Bah, tous les traves le sont pas putes. Hein. Bah oui. Non, mais j'ai pas dit pute forcément. J'ai dit juste pour niquer. Ninis, 15 ans, qui propose parce qu'il il aime sucer. Il peut sucer le travesti Abdel. Abdel, quand il doit entendre ça. Non, c'est pas ça. Non, parce que le travelot suce bien. Parce que le travelot suce mieux. Ah, oui. C'est ça que j'ai dit. C'est aussi. Marrant, vous êtes d'accord tous les deux. Vous avez testé? Non, mais faut pas le dire. Non, mais j'imagine, non, je sais pas. Parce que sa femme n'aime pas la sodo, nous dit les bouliches de Cédric. C'est pas ça, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Il a comme ça l'impression de ne pas tromper sa copine. T'es pas le premier qui nous laisse le message. Elle, 59-200. Non. Parce qu'il se dit comme c'est un mec. Ouais, mais non. C'est, voilà, ma copine, elle a pas des grosses couilles. Tu vas me dire heureusement pour ta copine. Ah ouais, heureusement. Tu te trompes quand même. Il y a Sian, 17 ans, qui dit parce que sa femme aime pas la faciale. Ouais, c'est ça, parce qu'avec le trav, il peut faire des trucs qui fait pas à sa femme. Parce que c'est plus baise que. Voilà. C'est plus trash, quoi. Vous avez trouvé bonne réponse collective de l'équipe ce soir. Collectif Canal, j'ai dit en premier. Non, mais moi aussi, je l'ai dit avant. Bon, allez, bonne réponse collective. Donc, il préfère les travestis. Moi, je me retire de la collectivité. Parce qu'il peut y aller plus hard avec et il peut baiser comme un fou. Ah, mais avec des meufs, tu peux baiser hard aussi. Hein. Bon, on a Chloé au téléphone avec nous en direct de Lyon. Salut Chloé. Comment ça va? Ça bah va écoute, ça va bien, sois la bienvenue. Donc, t'as 20 ans, t'es une voix de mec là. C'est un mec. Oui. Ah ouais. Mais c'est pas cool, toi. Mais Chloé, c'est un prénom de fille. Ouais, bah ouais. Bah oui. Mais oui, ta oui. voix, c'est une voix de mec. Tu as des couilles. Bah oui, je suis drag queen. Ah, ah bah voilà, c'est plus clair. Bonjour à toi, ami drag queen. Ah, c'est putain, je crois que c'est. Ah, il existe encore, drag queen. Bah oui. Bon, Wafgard. Il y en a énormément. Il y a énormément de drag queen. Il y en a énormément. Alors, drag, c'est travesti en fait. Alors, pour expliquer, il faut dire oui, c'est quoi drag queen? Alors, non. La différence qu'il y a, c'est que travestis, ce sont des personnes qui vont se déguiser en femme parce qu'elles se sentent femmes. Et drag queen, en fait, c'est pour le spectacle, le show, le plaisir. Ah ouais, d'accord. C'est ça, le plaisir, mais jusqu'où le plaisir? C'est ça. Ben, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, d'accord. Ok, très bien. Donc, tu réagis par rapport à Abdel qui nous avait dit que lui, bah, en fait, il avait une meuf depuis 4 ans et il ne trompait jamais sa meuf, sauf avec des travestis, parce qu'il pouvait, bah, il pouvait bien baiser, en fait. Hein, c'est ce qu'il a dit. Ouais, mais enfin moi je sais que par rapport justement au fait que je sois drag queen et que quand je sors dans les boîtes, je rencontre aussi beaucoup d'hétéros. Ouais. Et mais toi quand tu sors, t'es toujours habillé en femme? La plupart du temps, oui, il y a des fois où je vais sortir pour me mettre des quilles avec mes potes et je vais être en mec. Et il y a des fois où je vais sortir avec mon meilleur ami et on va être en femme. Mais genre la journée, ça t'arrive de t'habiller en femme ou c'est juste la nuit? En général, c'est beaucoup plus le soir. Après, s'il y a des événements gays en journée, j'assure l'événement. J'assure le show. Mais t'as des chaussures, exactement, la plateforme là qui font, je sais pas, 40 alors, centimètres de haut là. Ah ouais. Ah, parce que les drag queens elles sont chaussurées. Je fais du 48 et ma paire de talons la plus haute, elle fait 33 cm. Ah ouais, toi, c'est des bateaux. Oh la vache. Mais t'as pas une photo? Tu peux nous envoyer une photo? Ah ouais, envoie-nous une photo, Chloé. Ouais, mais je vous l'envoie comment, mes amours? Alors, ma chérie, tu me l'envoies au karim@skyrock.com. Mon chat. Petit chat, mon. Alors, donc, pour réagir à ce qu'il disait, donc effectivement, il y a beaucoup de mecs, en fait, qui pensent que tromper leur femme avec un mec, en fait, c'est pas vraiment tromper. Et effectivement, il y a des mecs qui aiment bien tromper aussi avec leur femme avec d'autres mecs. Moi je sais que j'ai 3 mecs réguliers que je vois, ils sont pères de famille, ils sont mariés depuis des années, ils ont des enfants qui ont la quinzaine, la vingtaine. Et ils aiment bien qui écoutent Skyrock d'ailleurs ce soir, et je vais donc donner leur identité immédiatement quand même soit mis au courant. Suspense, vos parents vont-ils voir Chloé? Non, il y en a un qui aime beaucoup quand je suis en femme, mais par contre les deux autres ils veulent pas me voir en femme, ils veulent me voir en mec, mais ils tremblent leur femme en toute impunité. Mais ils te font quoi? Après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais ils te font comme si t'étais une femme ou alors Non, c'est comme un plan cul entre mecs normal, quoi. Ah d'accord, ils te sucent aussi. Ouais, la totale. D'accord. Et celui mais pour eux, tromper avec un mec, c'est pas tromper, quoi. Et pour les deux là, non, pour celui qui te baise en femme, lui par contre, il fait comme si tu étais une femme. Ouais, lui par contre, ouais, c'est comme si j'étais une femme, donc bon, il me fait des anus et tout ça, donc. Des anus. Ah oui, tout ça. Ah ouais, les anus, ouais. Ah, les anus, la gueule. Il bouffe la chatte. Oh. Donc tu appelles ton trou du cul la chatte. Bah lui, oui, il appelle comme ça, alors je le laisse. Allez, là, je te baise la chatte alors qu'il est dans ton cul, en fait. C'est ça. En plus, il écoute ce soir, alors écoute, je lui fais des gros bisous. Eh bien, on t'a dit que ce n'est pas une chatte, c'est un anus. Attention. Quel est son prénom qu'on le salue? Hein? Son prénom qu'on le salue? Mathieu. Salut Mathieu. Bisous Mathieu. Salut à toi Mathieu. Eh bien, dans la boîte à caca. Hein. Tu n'es pas dans la. Oui, oui, c'était pas une chatte. Hein. Non, mais c'est marrant. Et t'as beaucoup de. Ouais, tu disais, t'as beaucoup d'hétéros en fait qui vivent déjà avec des femmes et qui viennent te voir pour changer un peu. Oui, là encore, samedi soir, on est sortis avec des amis et j'en suis tombé sur 2 hétéros mongolais comme des dieux et qui avaient. À rien qu'à l'idée de me la mettre, il était déjà super excité, quoi. Donc, il y avait des grosses bites. Oh, c'est ça, Marie. Ouais, bah, ça veut dire. Il y avait des très grosses bites. Mais par contre, arrêtez d'emmerder Marie, la pauvre. Mais pourquoi? Ah, merci, Chloé. Mais on l'embête pas, Chloé, Marie. Solidarité féminine. Non. On doit pas emmerder une femme. Une petite merci, question, Chloé. Oui, tu es seulement passive ou un peu active de temps en temps? Totalement passive. D'accord. Mais toi, t'as découvert que t'étais, parce que t'as 21 ans, c'est ça, hein? Ouais. T'as découvert ça à quel âge? Alors, j'ai su que j'étais gay quand j'ai eu mon prof de CP qui était juste un dieu, mais vivant. En CP, putain, ouais, t'étais chaud au précoce. Ah ouais, putain. Ah ouais. Grave. Ah ouais, mais la première fois que je me suis envoyé en l'air, j'avais 9 ans, avec un mec. C'était mon ancien meilleur ami. Ah d'accord, t'as commencé tôt, toi. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, effectivement. Ah ouais. Et, ah ouais, c'est chaud quand même. Et après, j'ai commencé, j'ai su que je voulais être drag queen vers l'âge de 15 ans. Et je l'ai vraiment été quand j'ai pris mon indépendance à 18 ans. Et t'es dans une famille rebeu, on nous disait là. Mais tu as dû, comment t'as fait passer ça à la famille? Parce que déjà, dans une famille classique, tout va bien. Famille rebeu, Karim, tu nous en parlais la semaine dernière. Ah, c'est chaud. Ouais. C'est difficile à faire accepter. Ah ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je dis famille rebeu, mais il y a plein de familles aussi traditionnalistes françaises. Oui, aussi. Imaginez aussi, par exemple. Après, tout dépend les cultures des familles et à quel point elles vont être ouvertes. Mais je sais que moi, bon, ils sont tous au courant que je suis gay, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais après. Drag queen, c'est passé ou pas? Bah ça, ils le savent pas. Donc. Tu l'as pas dit. Et toi, Cédric, comment réagirait ta maman? Je pense que ma mère, elle rigole, après, elle se met en dépression. Ah, direct. Et ouais, ton frère? Mon frère, je pense qu'il rigole, il y croit pas, lui. Moi, je rigolerais comme ton frère. Ah, mon frère, il serait mort. Tu peux venir en drag queen, Cédric? Moi, je suis tolérant, je m'en fous. Ah, bien sûr. Ah, vas-y, moi, je fais des selfies avec toi. Ouais, moi aussi. Direct. Film, quoi. Ah, mais t'es malade. Jamais je prendrais autant en photo. Mais mon frère, il y croirait pas non plus, tu vois. Il serait mort, il penserait que c'est une blague, une connerie de la radio. Ma mère, elle pleurait, moi, direct. Elle pleurait? Mais ouais, elle rigolerait même. De rire, pas. Non? Non, elle pleurait, mais. Ah, elle pleurait. Ah ouais. Oh, elle est cool pourtant, ta mère. Ah ouais, mais elle pleurait pour ça, gros, je pense. Et ta grand-mère? Ah, mais pire, elle. Oh putain, même. Est-ce que le beau Karim pourrait me redonner son adresse mail comme ça? Bah oui, mon cochon. Alors, c'est karim@skyrock.com. Et n'hésite pas à m'envoyer des photos de toi. Eh ben écoute, c'est marrant, Chloé, ta story, ta vie future, comment tu la vois? Si tu la vois d'ailleurs, parce que parfois on vit et puis on se pose pas de questions. J'ai des projets qui sont en train de s'établir et d'ailleurs je dois monter prochainement sur Paris pour faire quelques spectacles. Viens me voir. Et justement, non. J'allais demander si je pouvais passer vous voir. Vas-y, viens nous voir. Ah, mais ça, ouais. M'habille en drag queen. Il y a un soir où je suis venu, mais j'ai pas pu rentrer. Et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Faut se frotter au vigile en bas. Ouais, et il faut venir absolument en drag queen. C'est le mot de passe. Ah ouais, sinon, non, laisse tomber, ouais. Bah, regardez les photos, vous les avez reçues ou pas? Attends, je vais regarder, ma chérie, bouge pas. Ah, regarde, bon, tu bouges pas, Chloé, reste avec nous. Tous les soirs de 21h à minuit. What the fuck? Diffoulé sur Skyrock. Et ouais, sur Skyrock, on est premier sur les transsexuels et les traves. Dans la radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Suite du sujet dans un instant. Un petit peu plus tard dans la soirée, il y aura aussi la suite de l'histoire d'Alex de Paris qui voit des fantômes dans sa chambre. On va découvrir pourquoi et comment. On va trouver des solutions avec Diffoulé et toute l'équipe. Tout ça à suivre après le son de Designer. Voici Panda sur Skyrock. Premier sur le rap, première radio urbaine mondiale. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. In the bullet, you ban it, hope you killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacy, family, way see, family. Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Pull up your family. Hope you killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted domain and sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, over to Lady shoot. They be acting rent, I know we clap at you. I be pulling my stuff in the Fanta shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black and six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got stunning gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the comma. But Rolly is dancing bigger than the Panda, go out to the Grammy, but pull up your Panda, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and get it. I got niggas, just count for digits, say you. Make you a lot of money. No killers pull off in the end of baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the minute. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are Panda. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Package sport, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they pull up your band. Hope killers understand me. I got broads in Atlanta. Visit the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. Tous les soirs dès 21h. Difool est sur Skyrock. Ah, puis il y a une question qu'on se posait depuis tout à l'heure. D'où vient l'ombre qu'a vu Alexandre chez lui? Alexandre faisait tranquillement ses devoirs et à un moment il lève la tête, il voit une ombre. Plusieurs fois. Il baisse la tête, il relève la tête, il y a plus l'ombre. D'où et est-ce que ça vient? Et c'est que c'est que le matin qu'il vient te voir. C'est un esprit lève-tôt. Quand tu fais tes devoirs. Non, en fait c'est pas un esprit, ça s'appelle le soleil qui se lève. C'est juste ça. Tout simplement, qui doit passer à travers tes volets. En même temps, c'est vrai qu'on l'a pas vu pendant une certaine période le soleil. Tu as peut-être perdu. Mais le soleil est toujours là. Mais oui. Et oui. C'est peut-être un esprit qui s'appelle l'esprit griffeur, nous dit Chamallow sur SMS. Griffeur, c'est quoi ça? Je ne sais pas. L'esprit griffeur. Il a peut-être consommé des petits cartons récemment avec un Mickey dessiné dessus. Non, ça c'est des acides, ça. Non, tu ne prends pas de substances hallucinogènes parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit ça là. Non, pas du tout, non. Sur Yax, d'ailleurs, j'ai vu des petits messages où on nous envoyait des espèces de gros ouinges en disant il faut qu'il arrête. Ah bah oui, il faut qu'il arrête. Donc voilà. Romain Leu va arrêter lui aussi. Non, c'est carton. Bon, alors Flo, donc t'as 21 ans, t'es en Léon, raconte-nous un petit peu ce que t'avais à dire à Alexandre, toi. Et à tous ceux qui auraient vu des ombres, des trucs chelous, bouh. Bon, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé, en fait. J'étais avec ma copine, je dormais chez moi. Elle m'a réveillé un matin aussi. Et elle me dit, ouais, il y a ton vieux et tout ça chez toi. Et en fait, je me lève et ça, je vois une ombre. C'était au bout de mon lit, je fais putain, c'est quoi ce bordel, blablabla. Et en fait, il n'y avait personne chez moi. Donc j'ai fouillé toute la maison, je fais oh, c'est quoi ce bordel. Hey, c'est faux ce que tu dis, il y avait quelqu'un chez toi, c'est toi, c'était peut-être ton ombre. Il y avait ta meuf aussi, du coup. Ouais, mais ma meuf était à côté de moi. Donc, deux ombres. C'est pas après, le soleil qui est rentré par les volets, des fois, ça. Tu sais, il y a un petit écart de. Ouais, puis t'as les arbres qui bougent, ça. Ouais, et puis t'as l'impression que ça bouge à l'intérieur, tu sais, ça. T'as vu, quand j'étais tellement bourré que j'ai serré la main à un arbre. Non, mais. Parce qu'il bougeait, son bras. Non, mais. J'ai dit bonjour, mais tu faisais coucou. Non, je fais pas 4 mètres, hein. Et les petits arbres, un arbuste. Ah oui, c'est ça, ouais. Non, honnêtement, c'était pas des arbres, c'était. Franchement, j'arriverais pas à l'expliquer. Je voyais une ombre, une forme humaine, et. J'arriverais pas à l'expliquer. En fait, ouais, donc toi, tu t'es dit, c'est passé quand même quelque chose de chelou chez moi. Voilà, et en fait, ça s'est pas arrêté là. Et au fur et à mesure, ça s'est empiré. Mmh. Et j'ai eu des chaises qui ont volé contre les fenêtres. J'ai même eu une porte qui s'est fendue en deux à cause d'une chaise. T'es ravagé, mon pote. Mais pourquoi tu Ah non, non, non, je suis pas ravagé. Non, bah si, t'es ravagé. Si, moi, je t'écoute, t'as l'air crédible. Non, mais t'as l'air Flo. Complètement ravagé, surtout. Ouais. Genre, toi, dis fou, t'y crois, la porte qui se fend en deux. Bah oui. Non, mais là, franchement, là, tu viens de. Romano, la chaise qui bouge, regarde. Ouais, non, mais elle bouge, elle a des roulettes. Et ben voilà, et ben voilà. Tu viens de la pousser. La chaise vient de bouger, ma chaise à moi. Hein, et Marie Pacon, tu viens de la pousser. C'est genre, elle nous fait une révélation. Donc toi, c'est un vrai truc qui t'est arrivé, Flo. Oui, c'est ça, en fait. Et le truc, ça s'est empiré de jour en jour en jour. Et les gens, ils croyaient pas. Donc j'aurais dit, bah, venez dormir chez moi. Ils ont vu. Ils sont venus dormir chez moi. Et j'ai un ami qui croyait vraiment pas du tout à ça. Et il s'est absolument rien passé. T'es passé pour un bon taré. Non, non, non. Et là, c'est les volets qui n'arrêtaient pas de s'ouvrir, la fenêtre qui n'a pas arrêté de s'ouvrir. Et là, mon pote, qui était en panique, il a fait... Alors moi, j'ai pas de religion. Mais lui, il est musulman, donc il a récité un truc en arabe. Comme Karim. Karim, ouais, vas-y, Romano, fais venir Satan. Je suis Satan. Putain, grave, gros. Starfallah. Est-ce qu'il a dit Starfallah? Mais il a fait quoi, genre une prière? Ouais, c'est ça. Ouais, une sorte de prière en parlant, mais dans le vide. Il a récité un peu de Coran. Ouais. Non, mais ta maison bouge. Et on a vu, moi j'ai vu, il y avait de la lumière de partout, hein, tout était éclairé et tout ça. Il y avait de la lumière de partout, et en fait, j'ai revu l'ombre que j'ai vue au pied de mon lit, qui est passée à travers la porte et qui s'est barrée par la fenêtre, en fait. Ah, le chétan a eu peur, il est parti. C'est ça, donc. C'est ça. L'analyse de Karim. Donc, Alexandre, je vais venir chez toi, je vais lire du Coran, man. Je vais faire l'imam. Elle bouge ta maison, voilà, ça s'est fait. Ouais, ça s'appelle une caravane, Marie, dans ce cas-là. Une maison qui bouge, oui. Une maison sur des roulettes, non, Marie. Mais ça arrive souvent, ça. Une maison qui bouge. Non, mais c'est vrai, parce que dit Marie, dans certaines régions, tu sais, en dessous, il y a des. Des mines. Des tunnels. Des galeries. Ouais, des galeries, c'est ça, le mot que je cherchais. Et en fait, il y a des gens, leur maison, elle se casse la gueule au fur et à mesure, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle s'enfonce dans le sol. Bah, moi, chez mes grands-parents, c'est marrant, tu mettais une bille en haut de la cuisine, elle descendait jusqu'à. Ah, bah, tu vois. Ah, elle était bancale. Ouais, la maison était en pente. Ouais, pareil, ouais. Parce que c'était construit sur des mines, qui avait des galeries en dessous, et en fait, ce que disaient Romano et la Marie, là, pfft. C'est ça, ah, mais il y a même des quartiers entiers, les mecs, ils ont été obligés de. Ils les ont expulsés, quoi. Ouais, posons rasés pour refaire ou. Il y a des gens qui savent, parce qu'en fait, ils peuvent pas. En dessous, c'est tout creux. C'est comme s'il y avait des taupes géantes qui avaient creusé plein de galeries. C'est ça. Et les baraques, au fur et à mesure, elles se cassent la gueule. Il y a même un village. Elles s'enfoncent dedans. Ouais, ouais, je sais pas. C'est ça, village, ouais. Les mecs, ils sont endormis le soir dans leur chambre, et le lendemain matin, ils se réveillent dans des galeries de mines. Ouais, c'est sympa, avec des taupes. Sympa. Avec des taupes. Et là, t'as René qui arrive. Bon, eh bien, non mais Flo, tu vois, moi, j'y crois pas. Vous le savez très bien, on en parle régulièrement. Quand on parle de fantômes, on n'est pas sur les fantômes, là. On est peut-être plus sur les esprits, sur les ombres, tout ça. Du mal à y croire, mais ton témoignage, il a l'air plutôt crédible. Ah non, mais tu vas pas te laisser embobiner, dit Flo. Mais non, ça sera pas embobiné. Non, mais j'ai plutôt tendance à vous croire. On va prendre... Attends, bouge pas, reste avec nous. Alan, qui doit être au téléphone dans le coin. T'es là, Alan? Ouais. Salut, Alan. De Beauvais, t'as 16 ans, toi, Alan. Salut. Ouais. T'as entendu l'histoire de Flo? Est-ce que tu te dis, comme Romano, Flo il est complètement taré, comme Alex d'ailleurs? Ou alors est-ce que tu te dis, eh ben voilà, ça y est, on en a la preuve, les esprits existent. Ça existe. Bouh. Bah, en fait, ouais, j'y crois parce que j'ai plus comme vécu ça aussi. Parce que mon ancienne maison où j'étais avant. Ah, t'arrêtes plus. On t'a entendu, Romano, tu as oublié de fermer ton micro quand tu dis des choses désagréables sur les auditeurs. Ouais, bah en fait, là où j'étais avant, il s'est passé des choses dans la maison. J'en avais parlé à ma mère, et puis ma mère, elle m'avait dit ouais, non, ça se trouve, c'est ton imagination. Et allez, arrête de raconter des conneries, je vais te mettre une baffe dans la gueule. Et après, elle te fait passer un test anti-drogue. À force, on avait revendu la maison après, et à partir de ce moment-là, il y a eu la sœur de ma belle-mère, elle a repris la maison. Et en fait, et ben à partir de là, ça a commencé à se faire plein de choses. Parce qu'il avait, pas la sœur de la belle-mère. Des objets qui changeaient de place tout seul. Oui, je suis un esprit. C'est qui cette connasse qui vient dans ma maison? Genre, on était dans les chambres le soir, je dormais, j'entendais du monde monter aux escaliers, j'ouvrais la porte, il n'y avait personne. Ouais, ça grince. On entendait des enfants rigoler, mais j'étais tout seul là-bas, j'étais tout seul. Eux, ils étaient partis en soirée, il y avait des enfants qui rigolaient en bas. Hein? Ah, tu fais flipper, ouais, ça, les enfants, ça fait peur. Ouais, les enfants, ça fait flipper. T'es une petite fille toute blanche, là, ouais. Avec ses cheveux devant le visage. Ouais, qui a pas d'œil. Vous regardez trop de films d'horreur. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Dégueulasse. Faut arrêter de regarder Annabelle et ses compagnies. Ouais. Ça fait un peu penser à ça. Ouais, c'est ça. Justement, c'est pas ça, j'en regarde jamais, moi, d'ailleurs. C'est Annabelle. Tiens, regarde, j'habite vers un cimetière et le soir je vois des choses blanches qui volent, nous le dit El Phénoméno. Dans les cimetières, t'as les feux follets là. Les feux follets, Marie. Les feux follets. Non, les feux follets. C'est ce que j'ai dit, feux follets. Non, t'as dit les feux follets. Ah, moi je suis le feu follet. Ouais. Je vais te faire danser bientôt, tu vois. Mais ça doit faire flipper ça à voir. Les feux follets. Ah ouais. Bah tu sais que c'est du gaz qui sort des. Ouais, des... bah on le sait maintenant. Ouais, des cadavres. Oh. Ah, ça. Bon, il y a Johan aussi. Non, mais si c'est tu. Romano, t'entends, il est possédé. Ça y est, il commence. T'es possédé, Romano. Ouais, c'est l'esprit, là. Non, mais c'était surtout il y a pas mal d'années, parce que maintenant, en fait, les tombes, elles sont plus modernes qu'à l'époque. Eh ouais. Tu sais, souvent. C'est les tombes 3.0. Ouais, c'est ça. C'est les tombes high-tech. Tombes du turfu. Non, parce qu'avant, tu sais, par exemple, avant, le cercueil, il le mettait directement dans la terre. Maintenant, souvent, il y a un caveau, tu sais, il y a un truc en béton qui est construit. Pas pour tous, hein. Les caveaux, c'est pas. Ah ouais, non, mais oui. Et dans ce cas-là, feu follet. Ah, ah bon, bah, je sais pas, non. Je pensais que tout le monde avait un caveau. Ah, attends, bouge pas, il y a Johan qui voulait parler aussi. Mais il y a un nombre de messages que vous nous laissez. Un nombre de dingues, dis-le, dis-le. Salut Johan. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Alors, Johan. Qu'est-ce que t'as vu, toi? 25 ans parisien. T'as vu Casper ou un truc comme ça? Casper le fantôme, tu peux nous appeler aussi. C'est vrai que j'ai oublié de lancer l'appel, Romano. Tu fais bien en parler. Alors, qu'est-ce que t'as vu, toi, Johan? Non, en fait, moi, ce que je fais souvent et ce que beaucoup de monde fait et que certains ne savent pas, c'est que il y a un phénomène qui s'appelle la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil. Ah ouais, on en a déjà parlé. Ouais, qu'est-ce que c'est, il me semble quoi. Ouais, il me semble qu'on a déjà parlé dans l'émission, mais c'est quoi déjà, je me rappelle plus. Ben en fait, c'est quand tu dors, donc tu te réveilles, ton cerveau se réveille, donc tu ouvres les yeux, mais tu peux pas bouger parce que t'es paralysé, ton corps est encore endormi. Ouais. Et que donc tu vois ce qui se passe dans la pièce et tout, mais ton cerveau rêve toujours. Et donc forcément, quand il rêve, bah tu vois des choses dans ta chambre, des esprits. Ah, des... en fait, tu rêves éveillé quoi. Exactement. T'es entre, et donc, le, en fait, entre le sommeil, entre le sommeil et le réveil. Exactement. Et en fait, je crois qu'il y a un esprit avec toi ou je sais pas, des murs qui coulent, enfin des chauves-souris, des trucs comme ça quoi. Mm-hmm. Sauf que bah en fait, tu rêves complètement et j'ai vu, bon, enfin j'ai regardé beaucoup. Au début, j'ai eu hyper peur de ça, donc je me suis vachement renseigné, j'ai regardé beaucoup de reportages dessus. Et en effet, c'est un espèce de phénomène qui te fait halluciner pendant ton réveil quoi. Mais toi, t'en fais toi de ça là? J'en fais ouais, assez souvent. Ouais. Mais tu vois quoi genre dans tes allus? Des monstres? Généralement, moi, je vois toujours des esprits. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop peur de ça. Je suis Casper. Ah, Casper qui nous appelle et qui nous a même laissé un message sur le 41759. Fais pas trop le malin, Romano, je suis bien là. Eh oui, je suis là complètement en direct avec vous. Oui. Une voix de travelo, Casper. Et je tourne dans le studio. Voilà, il y a un fantôme, j'ai peur. J'ai pour. Non, j'ai pas peur, non, tranquille. Pas peur des fantômes? Bah, j'ai pas peur des fantômes, mais je me dis qu'il y a des esprits, tu vois. Ouh, donc, au début, Cédric, je suis Casper. Ouais, ok, ouais. Voilà, j'ai peur. Qu'est-ce que tu veux, Casper? Tu viens voter pour moi pour le clash de la drague, c'est ça? Ah, certainement pas. Va te pendre. C'est bizarre, sa voix, elle a changé, tout d'un coup. T'as vu? Donc, toi, au début, tu te disais, c'est un truc paranormal. Au final, il y a une explication rationnelle. Ouais, c'est un truc. Ouais, mais pendant 3 ans, j'ai cru que c'était paranormal. J'en parlais à ma mère et tout. J'étais flippé parce que. Donc, bah, t'aurais pu à la limite nous appeler pour nous raconter l'histoire. Ah, putain, je vois un truc chelou. Ouais, mais c'est trop ça. Et la première fois que je l'ai fait, c'était un truc vraiment chelou parce que je vivais dans un appartement, donc j'étais étudiant. C'était mon premier appart. Ouais. Et j'étais dans un appartement, donc c'était l'ancien appart d'une grand-mère qui était morte dedans. Oui. Et bah, j'ai rêvé d'une grand-mère, en fait, qui était devant moi, debout dans la pièce. Voilà. C'était Mamie Nova. Ouais, Mamie Nova, elle était venue faire un petit tour. Elle était venue faire des yaourts. Bah ouais, elle s'en va comme tout, cette Mamie Nova. Bah ouais, elle s'en va comme tout. Mais t'as réussi à dormir avec Mamie Nova? Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, quand je l'ai vue, et bah, je la vois bouger, forcément, et en fait, elle s'est jetée sur moi. Donc, bah, j'ai direct allumé la télé, la lumière, je suis sorti dehors et tout. Et mais donc ça, la paralysie du sommeil, là, tu sais, Johan, tout le monde peut en faire, en fait. Bah, tout le monde peut en faire, c'est ça, quand des moments de stress ou. Mais ça arrive à n'importe quel moment, c'est-à-dire que toi, avant, t'en faisais pas, t'as pris du jour au lendemain, quoi. Bah, ça m'a pris, j'avais 20 ans, je crois. Ah ouais. Comme ça, voilà. Il y a Ayette qui nous dit, c'est horrible, en fait, c'est le corps dort, mais plus l'esprit, ou vice-versa, je pensais être comprimé par un démon. Elle nous dit, Ayette, qui nous a envoyé un message qui avait exactement la même chose que toi, la paralysie du sommeil. Moi, j'ai dormi dans le lit d'une dame qui était morte. C'est bien Marie. Mais je l'ai su le lendemain. Elle était à côté. Elle était toute froide. Bon, merci Alan aussi. Ouais, Alan de Beauvais, merci Flo. T'embrasse Flo, Flo d'Orléans. Et Alex également de Paris. Bah, bon courage avec vos fantômes, les gars. Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et sur Skyrock, Difool est là tout l'été entre 21h et minuit, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Avec attention, dans un instant, il y a Poteau du 95 qui est connecté sur les messages. Il nous demandait, mais à quelle heure c'est Pamela? On va retrouver Pamela avec Didier, Benoît, JF, le pervers au multinom. Et la suite de l'histoire de notre ami Florian de Meubuche qui est cocu par sa meuf avec un de ses collègues sur Skyrock. Attention, vous êtes nombreux à nous écouter. Merci beaucoup pour l'émission. Salut à Gabi, salut à Julia, salut à Oscar, salut à Alex du 62. Salut à Johan, Radio Libre avec Difool et toute l'équipe. C'est jusqu'à minuit seulement sur Skyrock tous les temps. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Cet été, Sam débarque dans les dédicaces sur Skyrock. Dédicace! À tout moment, balance ta dédicace à ton pote Sam en direct sur Skyrock et gagne 2 places pour le Whoop à la rentrée. Un spectacle exclusif réservé aux auditeurs de Skyrock et aux potes de Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Drake. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, I'm way too girl.

soir, radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Elle est blonde. Ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Attention. On y va. Chut. Didier, Didier, Didier. Tu peux faire également. Allô? Allô? Ouais, Didier? Oui. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça va, ça va? Qu'est-ce que... T'es en train de faire l'amour ou quoi? Non, non, non, non. Non, t'étais en train de te branler? Non, pas encore. Ah, pas encore. Tu sais que j'ai une surprise ce soir? Je t'écoute. Eh ben, Maryse est là. C'est vrai? Eh oui. Coucou. Coucou, Maryse. Et je peux dire que elle est chaude ce soir, elle est complètement bourrée. C'est vrai. Une chaudière. Comment? Une chaudière, qu'elle te dit. Une chaudière. Oh, mais c'est bien ça, c'est bien. Et toi, t'es dans quelle tenue, là? Je suis encore habillé, là. Je suis encore habillé. Ah bah, il va falloir te déshabiller. Ah, pour... poil. Ah, poil. Il va falloir te poil. Déshabiller pour te foutre au lit. Ben oui, je sais, ouais. Allez, fous-toi, poil, dépêche-toi. Allez, hop. Allez. Ah, poil. Ah, poil, Didier. Ah, poil. Ah, poil. Ah, poil. Ouais. Poil. Ah, poil. T'enlèves quoi, là? Le jean. Le jean, d'accord. Je peux mettre la musique du striptease? Quoi? Allez, vas-y. On met une musique. Wouh. Fais-nous un striptease, Didier. Mais j'enlève tout, j'enlève tout. Bah, s'il te plaît, oui. Ouais, complètement, ouais. Ah. T'enlèves quoi? Dis-nous. J'ai enlevé le polo, là. Le polo. Ouais, ça y est. T'es à poil, toi, au slip, t'es comment, là? Là, je suis à poil, là. Ah, ça y est, t'es à poil. Le sexe à l'air. La bite à l'air, ouais. La bite à l'air, elle est belle. Ah, oui. Ouais. Ouais, ouais, elle est belle, ouais. Elle est au garde à vous? Pas encore, non, pas encore. Allez. Mais faut que tu la décalotes bien, là. Oh. Attends, je vais la décaloter, ouais. Ouais, voilà, je la décalote, là, j'ai le gland... L'air, le gland, il est bien rose. Ouais. T'as le gland humide. Oh, c'est bon, là. Ah. Ah, c'est bon de se branler comme ça avec vous. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, moi, je crois que je vais lécher un peu Marie, tiens. Ah oui, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Oh. Me fasse quoi? Ouais. Qu'on me fasse à moi? Oui. Qu'on me lèche, moi aussi, de partout. Hey, tu sais ce qu'on va faire? Maryse, elle te lèche le sexe et moi, je te lèche l'anus. Oh, ah, oui, très bien. Commencez par me lécher les couilles. Ah. Allez, Pamela. T'as les couilles poilues, toi, Didier? Non, pas très, un peu. Mi-longue, on va dire. Voilà. Là, c'est bien, ça. Oh là là, j'ai le string tout humide. Ah, ça l'excite. Oh, Maryse, tu me lèches bien les couilles, là? Ah, bah ouais, ouais. Grave. Et Pamela est dans ton cul. Oh, c'est bon, ça. Tire, là. Ça commence à la faire durcir, là. Ah. Oh. Elle est dure. T'es toujours décalotée, là? Oui, enfin, je me branle, quoi, ouais. Ah. Ouais, tu décalotes, tu recapotes, tu redécapotes. Ah. Et voilà, ouais. Ah, c'est beau. Elle est bien rose, ta bite. Ah, bien, bien dur, là. Ah, ouais. Elle mouille. Oh, c'est bon de se branler comme ça le soir. Fais la voir écouter, là, que c'est voir si elle est bien dure. Ah, ouais. Ah, ouais. Elle est quand même déjà bien dure. Oh. Ouais. J'aimerais tellement que tu me la mettes. Tu veux que je te baise? Oui. Hein? Baise-moi. Devant Maryse? Ah, ouais, ah, baise-moi, oui. Devant Maryse. Oh, le vrai, allez, hop. Ah, ouais, vas-y. Ouais. Alors, donne-moi ton cul, là, ouais. Ah, tiens, bah, prends-le. Ah, je l'enfonce bien, là. Ah, tu vas-y. Tu l'enfonces où? Bien à fond, là. Dans mon anu. Ah, oh, j'ai l'anu tout petit. Oh, ouais, ça, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est bon de te la mettre, là. Ah, ouais, mets-moi, là, dans l'anu. Ah, je t'encule bien, là. Oh, c'est bon de t'enculer devant Maryse, là. Oh. Ouais, elle me touche. Ah, oh, je pète. Tu vois bien, Maryse, comme j'encule bien, là? Ah, bah, je vois, ouais, je vois. Tu vois bien, le va-et-vient de ma bite dans son cul, hein? Ah, oui. Didier, ça te dérange pas si je pète? Qu'est-ce là? Oh, ça va venir là. Ah. Je vais vider mes couilles là. Ah. Oh, j'ai envie de vider mes couilles là. Ah oui, vas-y. Hein? Ah, oh, vas-y, je pète de plaisir. Ah, ça va gicler. Hein. Oh, vas-y. Ah, vas-y. Ah, moi, ça gicle derrière, moi. Ah. Vas-y. Ah. Vas-y. J'aimerais bien que Marie, je me suce, là. Bah, c'est ce que je fais. Ah, dis-moi que tu me suces, là. Oui, je te suce. Oh, c'est bon, là, oui, vas-y. Vas-y, suce-moi bien, là. Allez. Oui, dis-moi encore que tu me suces, là. Je te suce. On te suce la bite. Toutes les deux. Ça va venir, là, oui. On te la suce. Ah, je vais jouir. Suce. On te la... Envoie tout. Oh, on te la suce. Ah, c'est bon ou pas? Ah oh, oui. T'as joui? Ah oui. Salaud. Oui. Ah, t'es notre salaud. T'en as encore mis partout, hein, mon cochon. Ah oh, oui. Ah, c'est parti par terre? Oui. Ah bah c'est bien. Bah il va falloir passer un petit coup à la serpillière. Voilà. Eh ben dis donc. Oh, ça fait du bien. Ah bah ça sent trop. Ah bah oui. Ah, oh, ça fait du bien. Elle va pas nous faire un problème de cœur, hein? Non, non. Oh. Ah, t'as l'air d'être un bon queutard, toi. Oh. Ah oui. Je croyais qu'on devait se rencontrer. Bah écoute, faudrait qu'on cale ça, hein. Ah bah oui. Ah ouais, ça serait bien, ça. Ah ouais, ça serait bon, ça. Un petit pain à trois. Ah ouais. Avec plaisir. Ah là, moi, ça me donne envie de me retoucher, moi. Ah ouais, ça serait bien, ça. Ça va aller. Ah, t'es excitante, Pamela. Ah, toi aussi, Marie, Didier, mais alors toi. Ah, toi aussi, hein. Qu'est-ce que tu peux me faire mouiller, Didier? Bon, ben, Didier, nous, on va y aller, nous. Hein. Gros bisous. Bon, ben, demain. Eh ben, à plus tard, ouais. On se voit grand, demain. Ah, ben, peut-être pas demain, mais bientôt, hein. Oh, ça serait bien. Ouais, mais pas demain, non. Ça serait bien, ça. Je te rappelle en début de semaine, là. Dans la... Ouais. Et vous voulez dire très vite, on te rappelle très vite. Bisous, Didier, bonne nuit. Bisous, ciao, bye-bye. Mais moi aussi, je vous embrasse. Bisous. Attends. Salut, beau gosse. On te laisse. Comment? On te laisse. Ouais, ben moi, je vous lèche. Ouais. Eh ben, bien joué, Didier. Bisous, ciao. Je vous lèche de partout. Nous aussi, on te lèche. Bisous, ciao. Ciao. La petite blague de la fin est toujours super. Le on te laisse et lui qui fait derrière. Je te lèche. Vous me léchez. Je vous ai lu le message abominable de Joséphine. Eh bien, Joséphine Laurent en ligne dans un instant. Ouais. Joséphine qui nous a dit qu'elle était, elle avait couché avec le fiancé de sa sœur le soir d'avant le mariage. Dégueulasse. Et qu'elle continue à coucher avec et qu'il est marié à sa sœur. Tu t'en dégoûtes plus, hein, là. Joséphine, tu vas te faire traquer, je te préviens, hein. Ouais, ok, ouais, non, mais t'as un gosse avec. Et comment? J'ai un gosse avec en plus. Oh, super. Un bip bip pour Joséphine. Ouais. T'as un gosse avec le mec de ta sœur. Ah, dégueulasse. Ouais. Mais magnifique. Et ta sœur, elle croit que c'est qui? Ah oui, elle croit que c'est qui? Bah, elle croit qu'il est de qui, l'enfant? Bah, elle croit que c'est un coup d'un soir. Ah ouais, que t'as une mère comme ça. Ah, c'est, ouais, d'accord. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, tu l'as pas dit que c'était. Tu veux me dire, t'as bien fait de pas dire à ta sœur. Sinon, a priori, après, ça va poser des problèmes. Alors, on en reparle avec toi, Joséphine, dans un instant. Il y a Marielle qui est au téléphone avec nous. Elle est où, Marielle? Dans à Célestat. En Alsace. Oui. Salut, Marielle. Salut, Marielle. Salut. Marielle. Marielle, excuse-moi. Marielle, ouais. Et il y a Joséphine aussi qui est en ligne avec nous. Joséphine qui donc couche avec le mari de sa sœur. C'est ça. Mais plusieurs messages. Je peux t'en lire quelques-uns. Qu'est-ce que t'en penses déjà, toi, Marielle? Je dirai les messages juste après. De l'histoire de Joséphine qui couche avec le. Tout est romano. Le mari de sa sœur. Allô, vote Cédric. On va dire qu'elle a pas de respect pour la famille ou pour sa sœur. Hein. Ah ben c'est ce que vous dites. Ah ben sur ça, les on messages. Est d'accord. Non mais c'est clair. Oui. Ah oui, depuis tout à l'heure, tu as même pas encore. Enfin si, on a raconté un peu l'histoire, mais t'as pas vraiment. On a résumé quoi. On a un petit peu résumé. Joséphine, tu te fais. Malmenée, on va malmenée dire. Malmenée par les SMS. Oui. Ah ça, ça y va. Hein. C'est une salope quand même. Non mais c'est vrai. Dit l'Égyptienne. En même temps, je contrôle pas quoi. J'en suis vraiment très amoureuse quoi. Oui, mais tu t'es quand même dit que c'était, qu'il était marié avec ta sœur. Donc il a choisi ta sœur au départ. Bah, en fait, si tu veux, il n'allait pas annuler le mariage, tu veux le... Bah, t'aurais pu remplacer ta sœur. De toute façon, la fête, la fête était prévue. Avec un peu de chance, vous faites la même taille. La robe te va, hop. La famille hallucine un peu. Oui, c'est bon. Ouais, mais jamais tu culpabilises. Bah si, je culpabilise quand quand on est en soirée de famille, etc. Bien sûr que je culpabilise, parce que des fois, bien sûr, des fois, tu vois, on se rejoint dans une pièce, etc. Il m'embrasse, etc. Et Et ça fait combien de temps qu'ils sont mariés? C'est un bel enculé, lui aussi, d'ailleurs. Trois ans. Ouais. Et est-ce que toi, tu lui touches la bite avec ton pied sous la table? On en parlait tout à l'heure. Non, quand même pas. Mais tu pourrais essayer. Est-ce que tu l'as déjà sucé pendant un repas de famille? Genre, tu fais tomber ta fourchette? Non, mais pas. Dans la salle de bain. Ah ouais. C'est dégueulasse. Ah ouais. Regardez, mamie, elle est arrivée dans la salle de bain, putain, mais ça colle par terre. Mais c'est du sperme. Et qu'est-ce que tu dis? Par exemple, Yaval, il y a 15 ans, il nous dit, dites-lui quand même que c'est une. Et qu'elle n'a aucun respect pour la famille. Est-ce que parfois tu te dis que tu manques un peu de respect pour la famille? Bah je manque un petit peu de respect peut-être, mais... Moi je ferais même pas un pote ce que tu fais toi. Mais voilà quoi, c'est des sentiments... Voilà, des sentiments, ouais, d'accord. Je peux pas les contrôler et voilà quoi, j'en suis vraiment love amoureuse, tu vois, j'ai même eu un gosse avec, etc. Donc, non mais ça c'est vrai, l'histoire du gosse c'est un truc terrible. Mais le gosse, un jour tu vas être obligé de lui dire que son papa c'est lui, non? Bah il le sait le gosse, enfin maintenant... Non mais un jour il va faire une gaffe. Mais il est toujours bébé, donc ça va, mais... Il est toujours bébé. Il est toujours bébé, ah. Oui, bon, pour l'instant, il comprend pas trop, mais putain, quand il va comprendre... Non, mais il y a un moment donné, de toute façon, il va poser la question, c'est qui mon père? Oui, et puis... C'est normal. Et à un moment donné, le père sera peut-être bien obligé de le dire à sa femme. Et pourquoi lui, qui est ta sœur? Non, mais à ce moment-là, le bordel. C'est un bordel dans la famille. Pourquoi il divorce pas, tu vois? Ah ouais, mais à mon avis, ça serait... Oui, mais nous, t'es au courant de rien. Elle est au courant de rien, la sœur de Joséphine. Pour l'instant, elle est heureuse. Elle est cocu, mais contente. Ouais, ouais, putain. Ah putain, c'est... Et toi, Marielle, alors, au niveau du cocufiage, c'est réaction pour Florian, qui... Bon, pour lui montrer déjà, tu n'es pas tout seul, Florian, t'entends? Non, t'es pas seul, okay. Ça, malheureusement. Ça pourrait être pire. Non, Florian, t'es pas seul. Ta meuf, elle t'a envie de faire cocu avec ton frère, tu vois, donc... Une fois qu'on a entendu le témoignage de Joséphine, je peux vous dire, on est prêt à tout. Tout. Il y a pire que moi. Ouais, il y a pire que toi, c'est clair. Et toi, Marielle, alors, il s'est passé quoi? Ouais, donc moi, mon copain m'a fait cocu avec une de mes meilleures amies. Sympa, la meilleure amie, ouais, le copain. Super. Ah ouais. Ils sont cool, tous les deux. Donc, il m'a fait cocu, et puis c'était juste pour dire à Florian comme quoi... Il est revenu tout seul, qu'il a regretté, il est revenu tout seul, et qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi arriver à mettre sa fierté de côté, et puis à arriver à dire pardon. Attends, t'es retourné avec ton mec. Maintenant, ça fait 7 ans ensemble, j'ai une petite fille avec lui, on va se marier, et que tout se passe bien, quoi. Ah ouais, c'est ton premier amour, en fait. Ah oui, c'est mon premier amour, ouais, j'avais 14 ans, ouais. T'es tolérante. T'as pardonné, en fait. T'es gentille. Mais pourquoi t'as pardonné? T'as été tolérante et toute gentille, comme ils diront. Bonne question. Mais peut-être parce que c'était ton premier. Mais je l'aimais. Ouais, c'est mon premier. C'est vrai. Ouais. Ah, tu te dis qu'il est peut-être allé voir ailleurs pour savoir comment c'était. Ouais, j'avais 14 ans quand après, je suis avec lui. Après, tu te rassures comme tu peux, mais bon, t'es quand même cocu, quoi. Ouais, non, c'est sûr, je suis d'accord, mais bon. Ah ouais, t'es cocu. Mais jamais t'y repenses. Tu dois y repenser de temps en temps, forcément. Si, j'y repense. Si, parfois, je pose la question. C'est sûr, c'est bon, c'est fini ces conneries. On a un enfant, on va se marier. Ah, toi aussi, déjà 22 ans et déjà un enfant. Ouais. Mais t'as fait le gosse tôt pour le récupérer, enfin, pour le. Pas du tout. Parce que ça sert à rien. Non, c'est vrai. C'est pire. Non, c'était voulu des deux, c'était pas pour le récupérer. Et quand tu l'as su, t'as cassé la gueule à ta meilleure amie ou pas? Comme Florian qui a sauté sur le... Ouais, elle a souffert, ouais. Elle a souffert et encore maintenant, vaut mieux pas se la croire. Ah oui, elle, tu lui as pas pardonné, par contre. À elle, je lui ai rien pardonné du tout, non. À rien du tout. Je comprends. Et tu conseillerais quoi à Florian? Parce que Florian, son histoire, toi, ça a 3 mois ton histoire, ça va? Oui, bon, faut pas non plus, faut pas s'emballer trop. Moi, je te conseillerais d'aller voir ailleurs. Ouais, passe à autre chose, bordel. Non, mais surtout. Qui passe à autre chose, si elle veut revenir, elle reviendra déjà. Ouais. Et après tu te venges, tu lui dis non. Oui, c'est ça. Ouais, tu passes ton temps à la faire cocu. Ouais, tu te fais du bien après avoir souffert beaucoup. Donc Florent, t'as envie d'en revenir avec elle, toi, ou pas? Bah moi, si je sais pas si j'arriverai à pardonner, quoi. Moi, je veux juste savoir si elle a été avec ou pas. De toute façon, moi, je sais la vérité, c'est oui. Et moi, après, je veux juste de l'entendre de sa bouche, c'est tout. Ah, tu veux que... T'es prêt à pardonner, toi aussi? Tu veux qu'elle crache le morceau, quoi. Ouais, voilà. Et après, on verra bien si on pourra recommencer et tout ça, quoi. Alors, des votes dans l'équipe. Moi, j'irai pas, mais bon. Ah bah non plus. C'est mort. Tout le monde non. Non. Bon. Pour Marielle, je comprends plus, tu vois, mais toi, Florian, 3 mois, tu vois, bon. Après, on peut tomber amoureux en 3 mois, hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais enfin, bon, si elle te fait cocu au bout de 3 mois, vas-y pour non, le reste. Non, mais puis la meuf, merci, ouais, elle a aucun respect. Voilà, d'ailleurs, elle écoute l'émission, là, parce qu'elle m'a envoyé 2-3 messages. C'est vrai que ça arrive souvent, ça. Hein. Ma chérie, bah ouais. Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas bien de faire ça avec le Belge. Vilaine! Je dirais que je l'ai bien démonté. Ah bah que ça, je lui ai bien touillé la chatte. Hein. Oui. Non, mais faut que vous ayez une bonne discussion tous les deux, si elle écoute, si elle t'envoie encore des messages. Mais elle veut pas me voir, justement. Non, mais que tu connaisses le fameux de l'histoire, en fait, c'est ça qui te... Ouais, elle veut pas te voir, t'envoie quand même des messages, donc tu vois... Voilà. Elle m'a dit, t'es sur Sky, tu dis ça, et voilà. Bon, bah c'est pas bien, ma chérie. Vilaine! Je te dis, j'ai une vilaine. Ouh. Oui, que j'aimerais bien le retouiller un peu la chatte. Ouais, que je peux aussi passer sur Skyrock. Hein, attention, que je l'ai bien touillé. Là-bas, ils disent pas Skyrock, ils disent Skyrock. Et Skyrock. Ah, Skyrock, hein, Skyrock. Et heureusement que Marielle a appelé pour aller dans ton sens, Florian, parce que alors, les messages, là, tout le monde laisse tomber l'histoire. Il y a Pierre, là, qui laisse tomber l'histoire. Il y a Cécile, même chose. Laisse tomber, tu vas être malheureux après. Ah non, mais c'est clair, la majorité dit de lâcher l'affaire. Ouais. Camineau aussi, qui nous laisse un message. Cocu une fois, cocu 100 fois. Bah, c'est vrai qu'après, tu viens pas dans le... Ouais, genre, ça peut encore arriver, oui. Ouais. Bon, ben merci Marielle, en tout cas, du coup. Oui, merci. Hein. Merci pour le témoignage. Joséphine, merci aussi pour le témoignage. Bon courage. Tu nous donnes des nouvelles pour la suite de l'histoire. Ouais, pas de souci. De toute façon, mon fils, il a une demi-sœur, quoi. Oui, donc, il ne le sait pas pour l'instant. Et la demi-sœur, elle ne le sait pas non plus. Bah oui, ils sont... Voilà. Et l'autre, il a engrossé toute la famille, le mec. C'est la famille en même temps. Ça, c'est la famille. Ah ouais, son frère et sœur et cousin en même temps. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, ouais. Et Marielle, on te fait de gros bisous, puis on espère que tu seras heureuse longtemps. Ouais, gros bisous. Tous les soirs, viens toi aussi rejoindre la plus grande radio libre de France. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Sur Skyrock, radio libre tout l'été, 21h minuit du lundi au vendredi. Ça se passe jusqu'à minuit, on va retourner Chloé, le transsexuel, le traf qui se déguise en meuf. On va découvrir tout ça, la suite de l'histoire qu'on a démarré tout à l'heure. Il y aura aussi le problème du mois, Bernard Duchère qui a un problème d'ordre sexuel. On va découvrir de quoi il s'agit juste après le son de Pitbull. Pitbull, Florida, Greenlight sur Skyrock. Pitbull, Florida, les transsexuels juste après et le problème du mois à suivre, c'est Radio Libre, c'est sur Skyrock avec Diffoul et toute l'équipe jusqu'à minuit. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet Rap 2016, plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Skyrock, ça fait. Avec le nouveau Jules. Maître Kim. Le nouveau Soprano. C'est Soprano. Jam s'habille plus en Prada. MHD, le nouveau SCH, Fifth Harmony, Designer. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment, envoie roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compil Planet Rap 2016. Avec en plus ton enceinte Bluetooth Monster Backflow, 65 centimes plus coût d'un SMS. Planet Rap 2016, la compil officielle pour un été premier sur le rap. Vous, les virtuoses de l'autoportrait, les spécialistes des moues boudeuses, les magiciens de la contre-plongée, vous, les pros du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas l'avis d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. Mais qui vous aime en secret? Un voisin? Un vieux copain? Caché au 71 777? Un gamin? Le bel inconnu du train? Envoyez caché CACHER au 71 777, nos experts vous diront tout de vos amours cachés. Cachés au 71 777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Soir, de 21h à minuit. What the fuck? Diffoulé sur Skyrock. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. what I mean? How about that, mommy? Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I asked for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out. Rally strikes, 7500, bye-bye. Photo, ça y est, on a reçu la photo de Chloé. Ouais, je la rappelle, bouge pas. Ah, tu la rappelles. Tu la rappelles ou tu le rappelles d'ailleurs. Hein. Chloé qui est un homme, mais qui est drag queen. Drag queen, donc c'est les hommes qui se déguisent en femmes. Les transformistes aussi, ça s'appelle. Drag queen, et puis ils préfèrent les garçons aussi, a priori. Ouais. Et les garçons, a priori, sont pas des. Hey, j'ai vu la photo, mais c'est un géant. C'est pas le géant vert, parce qu'il est pas vert, mais. 1m90. Ah ouais, ouais, ça se voit, ça se voit. Une belle bête. Je veux dire, quand il y a un mec marié qui vient et qui te demande de l'enculer, tu l'encules avec tes 1m90, mais tu dois lui défoncer. Non, mais lui, il encule pas. Ah non, mais moi, j'encule pas, mon père. Ah, c'est vrai que tu nous as dit, j'avais Chloé oublié. Chloé n'est que passive. Ouais. Exactement. Putain, t'as des gros sourcils, hein. Ah ouais, mais. On dirait que t'as les sourcils de Romano. Regarde, les mêmes sourcils que toi, Romano. C'est les sourcils scratch. Regarde, ouais, c'est des scratch, mon pote. Les mêmes sourcils que toi. Non, mais c'est pire. Mais non, c'est pas pire. C'est ah les si, mêmes. C'est pire. Mais non, c'est les mêmes. Regarde. Non, mais bon, après, en mec, j'ai une forme de visage qui est très très bien pour mes sourcils. Parce que j'ai. Ah non, mais t'es. Vous bien que du coup, je suis très à cheval sur ça. Oh bah, écoute, bon. Moi, t'es un peu trop grand pour moi, désolé ouais, au niveau de la taille. Désolé, c'est un problème de taille. J'ai rien contre les grands, hein, mais malheureusement. Cédric, tu préfères les grands, toi hein. Je préfère les quoi? Les grands. Ah non, mais à la limite, je préfère me taper le chien de Romano que Cédric, quoi. Ah, voilà. Le chien de Romano, je te le laisse. Ah, ben attends, parce que je crois que Cédric était vraiment intéressé, malheureusement. Non, c'est Carrie, bah, t'as demandé les photos sur son mail et tout. Voilà, bonsoir Chloé, moi c'est Cédric. Non, merci. Salut les filles. C'est ça. Salut les filles. Non, désolé, j'ai cette prochaine. Bon, bah, en tout cas, écoute, c'est marrant, ils te racontent leurs petites histoires. C'est bien parce que vous avez posé plein de questions, là, depuis tout à l'heure. Ils te racontent leurs petites histoires, les mecs qui viennent te voir, comme ça? Ça dépend, il y en a qui sont, c'est juste du one shot. Ouais, donc ils viennent tirer un coup. Ouais, et les trois que je vois régulièrement, ouais, je connais toutes. je connais un peu toute leur genre, vie. Genre, ils te racontent quand ça se passe mal avec leur femme, quand ils ont des problèmes à la maison, tout ça? Pas forcément jusque là, mais ouais, vous déjà, je sais qu'ils parlent un peu, quoi. Oui, voilà, on parle un minimum. Il y en a un que oui, je sais tout de tout, parce qu'on va souvent au restaurant entre nous, etc. Mais mais les deux autres, non, c'est... Mais une question, ils payent pour te baiser? Ah non, non, non, je suis pas une pute. Ah non, non, mais, j'ai, non, non, mais dis donc, Romano, mais... Respecte-la, Romano, t'es fou. Romano, il serait Drag Queen, lui, il se ferait payer. Je suis pas Cédric. Oh non, mais... Cédric paye. Non, non, Cédric se fait pas payer. Ah ouais, parce que s'il se faisait payer, il y aurait pas grand monde. Tiens, dites-moi le truc le plus... parce que bon, il y en a qui nous disent c'est hard, c'est trash. Oui, bon, je peux comprendre. Ouais, après, bon, comme je dis, chacun y voit midi à sa porte. Moi, je prends mon pied de mon côté, eux prennent le leur de leur côté. Exactement. Après, ils sont totalement conscients de ce qu'ils font. Donc après, moi, de la part comme là, c'est vrai, tout le monde est consentant. Je les préviens que ce qu'ils risquent de tromper, ils vont tromper leur femme, etc. Ouais. Le mec, il en a conscience, nique sa mère. Oui, le mec, en fait, oui, il prend son pied avec bon, toi. Je te préviens, toi, tu prends ton pied avec lui. Et tu les préviens que t'as une bite avant. Je te préviens, j'ai une bite. Et moi, j'avais la jupe. J'avais une question, Chloé. Ça t'est jamais arrivé de ken, justement, un des mecs? Toi, de le ken? Non, c'est pas un truc qui me fait triper. Mais toi, t'as déjà. Ah ouais. Non, mais dans ta vie, t'as déjà pénétré. J'ai pénétré que ma première expérience a été une femme, donc elle, oui, je l'ai pénétrée. Ah ouais, mais t'as jamais pénétré un mec? J'ai essayé, mais c'est un truc qui me fait débander, donc Ah oui, donc forcément, pour rentrer, c'est pas facile. Et j'ai une autre question qui me taraude. Quand le mec te pénètre, est-ce que tu bandes en même temps? T'as vu Karim, il pose plein de questions, hein. Ouais, grave. Il est plutôt chaud. En plus, il voulait que j'envoie des photos et tout. C'est vrai, il t'a donné immédiatement son adresse avec Cédric juste derrière. Voilà, mais moi, j'aimerais bien que tu sois chaude avec moi. Après, je vais prendre ton numéro, Chloé, t'inquiète. Quand tu te fais pénétrer, est-ce que tu bandes en même temps? Bah, avec l'excitation, oui. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est normal. Et ça t'arrive d'éjaculer? Juste avec la bite. Ouais, en te faisant se demiser. Et tu te branles en même temps. Non, mais sans te branler, t'éjacules, ouais. C'est beaucoup plus rare, il faut vraiment que je prenne grave mon pied. Ah ouais, donc en fait, ouais, c'est quand t'éjacules, c'est vraiment que t'as joui du cul. Il faut quand même toucher, quoi. Tu devrais faire un show avec Pamela, on nous dit sur SMS. Non, tiens, un autre message. Copocha. Non, c'est Copocha. Il nous dit, Pamela, fais un show avec Chloé. Vous seriez belles toutes les deux, mortes de rire. C'est marrant, c'est mort de rire. Bah, moi, justement. Non, mais parce que, en plus, j'en profite parce que. Bonsoir, Pamela. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah, ça va, gnignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignign moi je voudrais bien faire un duo avec Pamela. Ah bah il y a pas de problème, c'est quand tu veux. Allez, on n'a pas un petit pervers en stock, Samy, là? Ouais, vas-y, si tu veux. Appelle donc Didier, tiens. Ouais, tiens, c'est bon, ça. Ah, vous voulez appeler Didier carrément? Bah, attends. Bon, alors, Didier, JF, Enco. Hein. Ne quitte pas ma Chloé, tu vas voir le phénomène. Il n'y a pas de souci, ma chérie, j'entends lui. C'est lui, Didier, JF, c'est lui. Écoutez sa belle voix, déjà. Oh, ça, c'est quand il jouit, t'entends? J'espère qu'il va décrocher, là. Il est sexy. Allô? Allô, oui. Oui, Didier? Oui. Tu m'as reconnu? Oh. C'est Pamela? Oui. Oui, tu te souviens? Oui. Oui, on avait fait des trucs par téléphone. Ah, peut-être bien, oui. Ah ouais, t'étais en train de faire quoi, mon cochon? Ah non, mais j'étais en train de préparer mon petit déjeuner pour demain. Ah, déjà? Non, mais je préparais... Oui, je préparais pour demain matin, oui. Tu prends quoi au petit déjeuner? Mais du café. Du café? Dans un bol? Voilà. Et t'as déjà versé le café dans le bol? Ah bah non, j'ai mis le bol sur la table. Et puis là, je prépare la cafetière. Ah, très bien. La cafetière se mettra en route demain matin. Ah, c'est une cafetière automatique? Voilà, avec, oui, programmateur. Et t'es en quelle tenue, là? Je suis encore habillé, hein, je suis en dune. Bah, dis donc, à 23h, il va falloir peut-être se déshabiller maintenant. Allô? J'allais le faire. Je ne suis pas toute seule, au fait. Avec qui tu es? Je suis avec Chloé, une autre copine. Je ne connais pas celle-là. Attends, bah, je te la passe. Chloé, tiens, il y a Didier. Salut Didier, comment ça va? Salut Chloé, ça va? Et toi? Ça va très bien, écoute. Très chaude ce soir, hein? Comment? Très chaude ce soir. Tu es chaude? Toujours. Toujours. Ah, poil Didier! Ah, faut que je me mette à poil pour Chloé. Ah ben oui, pour Chloé. Ah ben quand même, c'est le minimum. Ah oui. Un homme avec une aussi belle voix doit être très charmant. Bon, oui, ça va. Pas du tout, Didier, dis-moi. Comment? Décris-toi un peu, Didier. Décris-toi, dis-nous comment tu es. Oh, mais je mesure 1m69 pour 70 kilos, 71. Je suis brun, les yeux marrons, voilà. T'as des cheveux? Ben oui, brun, oui. Oui, mais t'es pas dégarni. Non. Donc on peut t'attraper les cheveux pendant l'amour. Voilà. Elle est comment t'habites déjà pour Chloé, dis-lui. Ah ben là, elle est normale, il y a plus, il y a moins. Mais tu sais bien t'en servir? Ben, j'espère, oui. Ouais. Ben, mais là, faudrait qu'on aille le voir, hein. Ah, c'est clair. Mais Didier, t'es à poil, là? Ben non, je suis pas à poil. Ah ben Didier, il faut se mettre à poil, hein. Non, allez Didier. Je suis fatigué. Allez Didier, à poil pour Chloé. À poil, mets-toi à poil pour moi. Et j'ai une surprise Didier. Hein? Comment? Salut les filles. J'ai un ami aussi qui est là. Vous êtes combien là? C'est Cédric. Salut Didier. Salut. Ça va? Oui. Ah putain là, je m'éclate ce soir. Hein. Ah bon? Ah, je suis avec les deux là, elles sont chaudes. Hein. Ah, je peux te dire que on va s'éclater, mon pote. Ah, Pamela, t'aimes ça, hein. Ah ouais. Oh non, j'aime pas ça. Ah si, t'aimes ça, Pamela. Ah, tiens, prends plutôt Chloé. Tiens, mets-toi à quatre moi, pattes, Pamela. Moi, je vous regarde et je me masturbe en écoutant Didier. Enfin, Chloé, je lui caresse les fesses, et Pamela, je peux te dire que... Ah, la cochonne. Maryse, t'es là? Maryse aussi. J'arrive. Ouais, Maryse, elle est à côté, elle faisait à manger, là. Non, mais ça y est, j'ai préparé les cocktails, les filles. Ah ben moi, je vais te mettre tes doigts dans la chatte. Ah bah très bien, c'est bon. Moi j'ai bien un cocktail avant, s'il te plaît. Oui, bah j'en ai pris un. Regarde, j'ai fait un petit mojito, Chloé. Oh Didier. Oui. T'es à poil? Ben non, je suis fatigué ce soir. Ah non, mais il faut te mettre à poil, Didier. Ah ouais, Didier, mets-toi à poil. Allez, pour Cédric. Allez, vas-y, pour Chloé, pour Pamela et pour Maryse. C'est Cédric. Allez, fais péter Didier, le. Fais péter allez, le caleçon, Didier, allez. Allez, Didier. Une autre fois. Vas-y, elles sont chaudes en plus ce soir. Ah ouais, on est chaudes. Attends, je te passe Pamela, va te chauffer un petit peu, mon pote. Didier, j'aimerais bien que tu te mettes à poil et que tu te caresses bien la bite. Oh, c'est déjà tout dur. Je suis fatigué ce soir. Allez, s'il te plaît, Maryse, en plus, elle est venue exprès. Pour Maryse. Ah ouais, on se faisait une soirée, on était content de t'appeler. Bon, Maryse est déjà bourrée, mais... Bah ouais, attends, quand j'ai fait les cocktails, j'ai goûté. Hein. Oh, Didier. Mais oui. Ah oui. Ah. Pamela, elle est très chaude ce soir. Hein. Ah ouais, je suis chaude. Ah, tu nous excites. Je suis sûr que t'es en train de te branler, Didier. Non. Ah si. Ah, allez les filles, on se lèche. Oh, Chloé, comme tu as une grosse langue. Tu sais que c'est pour te faire plaisir, mon enfant. Ah oui. Didier? Oui. Tu te branles? Non. Allez, enlève ton pantalon, Didier. Je sais que laisse-toi faire. Mais pourquoi vous voulez que je me branle? Ah, parce que ça nous excite, Didier. Oh, c'est pas vrai. Tu nous excites, là. Oh, ouais. À Maryse. D'accord. Oui. C'est pas vrai. Moi aussi. Ouais, non, ça va être. Tintin. Ah, bah tiens, on a notre copain Cédricain qui danse un peu pour toi, Didier. Tintin. T'entends? Oui. T'aimes bien? Non, j'entends quoi? Bah la musique. Ah non, j'entends pas la musique, non. T'entends pas, là? Non, j'entends pas de musique, non. Ah, bizarre. Nous, on l'entend, nous. Didier, mais si, t'entends bien. Non. Oui, ta-da-da-da-da, oui, j'entends. Voilà. Non, mais c'est genre la musique. C'est la musique préférée de notre pote. Hein. Ouais, c'est un peu un gros naze, lui. Parle bien, toi, les folles. En plus, il baise mal. Eh, Didier. Oh là là. Oui. T'as déjà été précoce, toi? Si j'étais quoi? Précoce. Précoce, comment ça, précoce? Bah, tu sais, tu craches vite, quoi. Tellement t'es excité, ça arrive rapide. Ah, bah oui, ça m'est arrivé, oui. Ah, parce que notre copain Cédric, c'est à chaque fois. Ah, ils sont tellement excitantes, les trois, là, que. Tout le temps. Et ils dansent encore. Je suis précoce, en fait. Tintin. Et il fait tatalatalatat. Représente les précoces. Passe-lui, Patrick. On a, allô? Oui. On a un autre copain à te présenter, c'est Patrick. Ah. Patrick. Salut Patrick. Il faut qu'il t'encule là. Il faut qu'il m'encule. Tranquillement, ouais, avec ta queue à l'air là. Tu veux pas nous rejoindre, Didier? Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? C'est où? Bah chez nous. Oui, mais où ça, chez vous? Attends, il y a Patrick qui voudrait te poser une question. Je suis en train de bander, là. T'es en train de te faire baiser ou pas? Non, non. Et t'es comment, t'as, ta chatte est comment, là? Ouais, absolument. Bah, je vais te branler. Patrick a envie de te branler. Patrick est très excité, hein. Mmh, j'entends. Ouais. Participe à la partouze avec nous, Didier. Ben, je vous rejoins. Bien sûr, ouais. Ah, sûr. Avec un god et tout ça. Tu ramènes tout ça parce que Patrick, il veut un god, tout ça. Didier. Oui. On va t'embrasser, on va te dire à bientôt, alors. Gros bisous, Didier. Gros bisous, mon beau. Tu nous manques. Dommage que tu sois fatigué, parce que là, on est tous très, très chauds. Ah ouais. Ça te dirait de participer à une de nos prochaines partouzes, Didier? Je veux bien, oui. D'accord, bon, ce qu'on fera, la prochaine fois qu'on en fait une, hein, Pamela, on l'appelle juste avant. Eh ben, il n'y a pas de problème. Et on fera. Alors, oui, Chloé, tu ne voulais pas faire revenir Cédric, pourquoi? Ben, il est chum. Ah oui, mais bon, tout le monde. Oh, Chloé, profiter. Ça va, sois pas difficile. Je suis très exigeante, c'est chum. Ben, je vais te laisser avec Karim alors. Bon, Didier, on t'embrasse. Salut, oui, Didier. Moi aussi, oui. Salut, bisous, Didier. Bon petit déjeuner. Salut, Didier. Bisous. Okay. Ciao. Et l'autre, il a préparé son petit déjeuner pour demain déjà. Ah, ouais. Avec une cafetière automatique. Il est starbé, le gars. Hein. Non. Et son bol. Il a mis son bol sur la table. Il a mis son bol sur la table. Avec la petite cuillère. Avec sa cafetière électrique. Eh ouais, électronique même. Qui demain matin lui donnera la. Lui, il est super. Et il parle avec Patrick normal en tout cas. Ouais. En tout cas, il a parlé. Ouais, mais tu sais, j'ai remarqué un truc, quand il y a trop de monde, il ose pas se branler. Ouais, c'est vrai. Il fait le timide. Il fait un peu son timide. Non, il est pudique. En fait, le mec s'est branlé déjà 10 fois avec nous, mais quand il y a du monde. Ouais. Non, mais il faut Marie, c'est Pamela. Tu sais, ouais, c'est Marie, faut... il t'aime bien. Deux Maxi, parce que après, ça dérange un peu. Avec Patrick. Mais là, tu le rappelles, genre dans 5 minutes, je suis sûr que le mec il est. Bah, Chloé, c'est gentil en tout cas de nous avoir passé un petit coup de fil. Eh, vas-y, si un jour on a besoin, on te rappelle, hein, pour appeler des pervers. Mais il n'y a pas de souci, vous m'appelez quand vous voulez. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Défoulé sur Skyrock. Et sur Skyrock Radio Libre jusqu'à minuit, la dernière partie du sujet sur les trans à suivre avec le témoignage de Yannick qui se tape des trans dans tous les sens. Et le problème du mois aussi, ça arrive avec Bernard Duchère qui a un problème rapport avec la consommation de son sperme. On écoute tout ça juste après le son d'Alonso et Binta maintenant sur Skyrock. Premier sur le rap, première radio urbaine mondiale. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as café, t'es allé. Rien n'allait sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit, c'est une. ça y est, elle est là. Ses formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle vient. What the fuck? Tout peut arriver. Alors, donc c'est Bernard. Oui. 66 ans, il est dans le 18. Mmh. Donc il a écrit Adoxtissimo, rubrique addiction sexuelle. Si vous êtes du côté de Bourges et que vous écoutez Skyrock, il habite juste à côté de chez vous. Peut-être, pas loin, ouais. Un voisin. Peut-être même votre. Quelqu'un de la famille. La famille, ouais. Un oncle, jamais. Un grand-père. Ouais. Oh non. C'est peut-être papy. Papy Bernard. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bernard. Bonjour. J'ai Bernard. 66 ans. Oui. Je suis dans le 18, mais je n'en dirai pas plus. Oui. Afin de ne pas me faire reconnaître par des amis ou peut-être même pire, la famille. Ouais. Ah, oui. En effet, j'ai de nombreux enfants et petits-enfants. Ma femme. Ah, vous avez dit. Ah, bah, voilà. Vous avez dit. Bien beautiful. C'est ça. Ouais. Bah, 66 ans, bon, en même temps, il est dans les âges. Hein. Oui. Parce que là, rien d'anormal. C'est après que ça se gâte. Mm-hmm. Ma femme et moi, malgré notre âge, couchons ensemble environ une fois par semaine. Oui, enfin bon, c'est pas la folie. T'as l'impression qu'il t'annonce ça. Moi, je m'attendais à une fois toutes les deux heures. Oui, ma femme et moi, malgré notre âge, couchons ensemble une fois par an. Bah, une fois par semaine. Bon, pour des vieux, c'est bien, non? Bah, non. Bah, je sais pas. Tu vas avec quel âge? Non, mais tu vieilles 66 avec ans. Ah, bah, il est pas si vieux que ça, en tu fait. Tu baisses qu'une fois par semaine. Bah, après, ouais, c'est vrai qu'il a 66 ans. Bah, c'est ça, ouais. Peut-être plus, à ce âge-là qu'il baisse plus, hein. Ah, ils se font chier, peut-être. Ils se connaissent trop, je sais pas. Oui. Moi, je la connais trop, je préfère jouer au Scrabble. Oui. Regardez Julien Lepers, j'en profite. J'en profite, oui. Oui. Oui, enfin, c'est plus pour toi longtemps, là. Ma femme et moi couchons régulièrement ensemble, environ une fois par semaine. Mais elle refuse une pratique qui m'obsède. Ma femme n'est pas très portée sur le sexe, en tout cas, beaucoup moins qu'avant. Je pense que c'est dû à la ménopause qu'elle a eue déjà il y a quelques années. Moi, bah, à son âge, oui, la ménopause, elle a 20 ans. Hein, donc... Moi, je me contente en allant sur des sites porno, environ 2 à 3 fois par jour. Ah ouais, là, ça y est. Il a la santé. Il a la santé, papy, quand même. Hein. Ah, ouais. Je me masturbe régulièrement. Des fois, ma femme est dans le salon, je suis sur l'ordi derrière elle, et je me masturbe, ça ne la dérange pas. Oh, propre. Oh, putain, t'imagines le tableau, quoi. Imagine l'autre, elle fait la cuisine. Sa mamie qui regarde la télé et l'autre qui se pogne au milieu du salon. Ouais. Ouais. Tout va bien. Elle me dit parfois de faire moindre bruit. Mais à part ça, aucun reproche. Rien. Je pense même que ça lui convient parfaitement. Elle est contente. Je regarde surtout des vidéos où les femmes se font lécher le vagin après s'être fait éjaculer dedans. Ah oui, c'est bien. Alors attention. Ah, on rentre dans la zone périlleuse. Oh. Je m'adresse aux âmes sensibles. Vous avez le droit de baisser le son de la radio si vous voulez. Oui, un petit peu. Parce que là, il rentre dans l'art. Dans l'art. Ouais. Dans le cochon. Oui. Monsieur Bernard, c'est un cochon. Le gros cochon. Cette pratique est devenue complètement obsédante. Yeah. Je ne pense plus qu'à ça. Je me masturbe environ 2-3 fois par jour. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit un peu plus haut. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il perd la mémoire, papy. J'ai proposé à ma femme de le faire. Première fois, je lui ai dit « Allez, je souhaite récupérer mon liquide en toi. » Pousse un petit peu avec ton vagin. Ah, c'est pour ça que l'autre, elle veut plus faire l'amour. Eh bien. Tu faire ça avec une paille? Elle a refusé. Un mille chèques. Tu fous la paille. Elle m'a dit non et m'a regardé de façon bizarre. La fois d'après, après l'avoir bien léché, je l'ai pénétré pendant de longues minutes. Et ensuite j'ai éjaculé en elle. Là directement je suis descendu pour récupérer le liquide. J'en ai pris un peu sur la langue. Mais directement elle a croisé les jambes. Elle m'a dit enlève-toi de là tout de suite. Et ensuite j'ai souhaité remonter pour l'embrasser, car ça serait mon souhait le plus fort. Mais elle a à nouveau refusé. Je ne sais plus quoi faire. Je me demande si je ne vais pas aller faire ça avec une autre femme. Je sais qu'il existe des réseaux de rencontres pour les personnes de mon âge, et je suis prêt à tout pour réaliser ce fantasme. Il va terroriser les mamies. Oh ouais, avant de passer. Les graniers, accrochez-vous, il arrive. Dans la maison de retraite. Avant de passer l'arme à gauche. Ah ouais. Lui, il est au. Oui, j'aimerais faire ça avant de mourir, s'il vous plaît. Non, mais bon. Le plus cher. Bah, écoute, elle a bien raison de s'éclater avant de partir. Oui, avant de prendre le dernier chemin. Elle n'est pas du tout d'accord, ma femme. Ah, je le ressens bien avec mon... Trop banon, non? Non, pas du tout. Je le ressens bien avec mon sixième sens sexuel. Il a un sixième sens sexuel, lui. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain message. Avec plaisir. On va avoir un feuilleton toutes les semaines, les aventures de Bernard. Je souhaiterais réussir avec ma femme, mais si elle ne veut pas, je ne sais pas comment faire. J'aimerais tellement récupérer son... mon sperme. Oui, non, mais on a compris. Là, oui, j'aimerais récupérer. Et le partager avec elle. C'est ça. Rien n'y fait. Impossible de la convaincre. Je lui en parle souvent, mais je n'y arrive toujours pas. Aidez-moi, ou alors je vais être obligé de commettre un drame conjugal et aller voir ailleurs. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, le mec, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, et aller voir ailleurs. Je n'aimerais pas briser une relation qui dure déjà depuis tant d'années. Merci de votre aide. À bientôt. Salut Tromano. Salut les gars. Salut à toi. Coucou. T'appelles du 31, toi, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, Toulouse, 31 ma couille. On te garonne. 31 ma couille, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça là-bas. Ouais. Alors, Tromano. Ouais. Tu voulais réagir par rapport au problème du mois, tu manges régulièrement ton sperme, c'est ça, non? Non, pas exactement. Non, ça arrive tous les matins. Avec ma meuf, on est des pratiques un peu cochonnes, on va dire. Alors, vas-y, raconte-nous. Ouais, mais moi, comme j'ai entendu le problème du mois, ça m'arrive aussi, des fois, avec ma meuf dans ce délire-là, tu vois, ça arrive, quoi. C'est ce que je disais, par amour, enfin, dans l'amour, quand on est ensemble, on peut faire plein de choses. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Ah oui, quand ça fait longtemps que t'es avec ta meuf, ouais, voilà, plus, après, tu cherches des choses qui peuvent te faire monter, bon, voilà, tu vois, c'est comme ça qui arrive. Voilà, et toi, ça te fait bien monter, ça? Ouais, ça arrive des fois, ouais, ça dépend des fois, voilà, ça arrive, ouais. Alors une des questions, maître, bah, du problème du évidemment, mois. Évidemment des questions, hein, parce que là, bon, tu nous as dit que tu le faisais, mais vous faites quoi exactement alors? Rentrons un peu dans les détails. Oui, en effet, faut rentrer dans les détails. C'est pour mieux répondre au problème du mois. Non, mais c'est pour bien répondre au problème du mois, et puis là, Cédric ne comprend rien, donc il faut bien lui expliquer en détail. Ouais. Ah, il faut lui expliquer en détail, il comprend pas, il voit pas comment ça se fait. Non, explique-nous. Alors, quand t'es sur ta copine et que t'as fini, que... Qu'elle est pleine, on va dire, hein. Voilà. Tu l'as remplie comme une gourde. Que tu lui as fait un petit plein. C'est ça, voilà. Eh ben, ça m'arrive derrière de descendre, de lui faire des petits bisous, ou qu'elle se mette à cookie sur moi, tu vois, pour évacuer le tout et après on s'embrasse avec, voilà. Elle fait la vidange. Ah ouais, carrément, voilà, quoi. Voilà. Ah oui, donc t'es vraiment. Nous, on rigole pas. Ah voilà, du travail de pro, c'est bien. Du travail propre. Ah ouais, faut nettoyer après, quoi, tu vois, voilà. Mais c'est quoi, mais tu nettoies les outils, oui. Mais tu l'avales pas quand même. Non. Après, je t'ai donné l'idée, là, tu vois. Non, mais ouais, c'est pas con, dis donc, j'ai ça. J'ai un peu de mal avec, pour avaler, j'ai un peu de mal, tu vois. Mais la première fois, c'est qui? C'est elle qui t'a proposé? Mais la première fois, en fait, c'était après une pipe, tu vois. Ah, après une pipe, genre. Oui, classique. Ah, ouais. Bah ouais. Et après genre... une pipe, ouais. Petit bisou. Ouais, ça va. Petit transfert. Classique, voilà. Bah, elle croyait que ça allait me faire chier, en fait, non, voilà. Oh, toi, tu l'avais, mais c'est dit, ah ouais, c'est quand même. Gueule de Karim, mais ne gère pas sur des foules. Qu'est-ce qu'il y a, Karim? T'es derrière moi, tu vas vomir. Moi, ça m'écœure un peu. Ça me. Tu sais, ça me fait des frissons, c'est dégueulasse. C'est vrai, Karim. Ouais. T'es choqué, faut pas être choqué, faut goûter à tout dans la vie, frère. Ouais, non, mais goûte, c'est bien, t'as bien raison, profite, mange. Mais sachez que j'ai pas très faim, moi. Mais non, mais ce n'est pas sale, dit foule, hein, tu sais, oui, très bien. Hein. En effet, oui, je le confirme, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale, mais ça dépend avec qui tu le fais. Hein, ouais, bah, ouais, exactement, c'est faut le faire avec ta copine, et puis voilà. Non, mais il y en a plein qui trouvent ça dégueulasse, hein. Sopra 66, ouah, dégueulasse, on nous dit. Il y a Nas qui me dit, moi, ça me fait vomir. Dégueulasse, j'ai envie de vomir pour la jumelle, on te fait une bise, la jumelle. Karim est un coincé du cul, Greg. Tu vois, Greg est plus ouvert, voilà, que... Voilà, exactement. Ouais. Ah bah écoute. Non, mais moi, tu sais, ce qui m'avait dérangé, c'est la texture, quoi, tu vois. Ton sperme, il est pas bon. Bah, je sais pas, il était... C'est comment? C'est épais? Ah. Ouais, quoi, épais, oui. C'est pas non plus... Tu l'aurais voulu comment? Non, mais c'est un peu gélatineux, c'est quoi. C'est un peu... Non, c'est quand même plus... Non, c'est liquide. Comme du molar, non. Ah, c'est comme un crachat, quoi. Ah non, moi, c'est pas comme du molar. Je ne qualifierais pas mon sperme de molar. Mais Marie, elle a dit... Un peu de respect, s'il vous plaît. C'est un peu gélatineux, quoi. C'est comme du yaourt à la grecque. Du yaourt à la grecque. Non, c'est plus. Parce que le yaourt à la grecque, c'est assez solide. Non, mais c'est plus liquide. Parce que là, t'éjacules des cuillerées, tu sais. Ah ouais. Ah, Yannick, pour vraiment nous terminer. Yannick est Yannick, son trans. Le niqueur de trans. Allô, Yannick. Salut, ouais, bonsoir, Yannick. Toute l'équipe de Skyrock. Bonsoir, Yannick, comment vas-tu? Oh, ça va, tranquille. Hein. Bah, écoute, sois le bienvenu. Alors, tu voulais témoigner pour le problème du mois. Alors, comment ça s'est passé, Yannick, ton histoire de trans? Bah voilà, bon, moi, c'est un trans, j'ai rencontré ça en site de rencontre. Ok, mais tu cherchais une meuf au départ, toi? Bah, à la base, oui. Oui. Bon, moi, je vais dire le site, hein, c'est Badou. Tout le monde connaît, bon, ce site. Ouais. La plupart. Badou. Et puis bon, bah, je l'ai invité sur mon lieu de travail, et puis bon, bah, ça s'est terminé. Mais tu savais quand tu l'as invité, tu savais que c'était déjà, que c'était un trans, ou tu imaginais que c'était une fille? Je savais déjà. Ah, tu savais, ouais. Et t'avais jamais, tu t'étais tapé de trans avant? Si. Ah, c'est la deuxième fois. Yannick est un expert. Un habitué. La deuxième fois, la première, c'était un trans à Clichy, puis celui-là, bah, c'était un trans à Nanterre. D'accord, on salue les trans de Clichy et de Nanterre. Ça reste dans le 9-2. Mais là, tu sais, là, quand tu l'as vu arriver là, sur ton lieu de travail, t'as vu direct que c'était un mec, quoi. Tu sais, la plupart maintenant des trans, on dirait des gonzesses, la plupart maintenant. De tête. Mais il y en a qui sont bien. Je suis une grosse paire de couilles. Non mais elle, est opérée. Ah ouais, trans, c'est opéré. Non, elle était pas opérée. Ah, il y avait la bite. Ah oui, donc c'est travelot là. La bite et les couilles. Non, si c'est les couilles, je vais taper le cul, c'est tout. Voilà, d'accord, ok, très bien. Non, j'ai pas. Détente, quoi, normal, quoi. À la pause café, quoi. Ça fait quoi, 15 jours, ça s'est passé sur mon lieu de travail en plus. Ah mais tu fais quoi comme travail? Mais tu les suces? Non, je vais pas sucer, moi. Et ton boulot, c'est quoi? Oui, t'as mordu les couilles. Moi, il m'a sucé, puis moi, je vais taper son cul, c'est tout. Très bien. On salue tes collègues, tu bosses dans quoi, ouais? Moi, service d'espoir, dans une mairie. D'accord, très bien. Et le lendemain, dans le gymnase, quoi. Et le lendemain, les gosses, ils font des roulades. Bah, sur les tapis, où t'as enculé le mec? Non, c'était pendant les vacances, c'était la première semaine des vacances. Ah, mais ils ont nettoyé depuis. C'est pour ça que j'ai profité de faire venir au travail. Bonsoir. Ah, bonsoir, Pamela. Ça va, Pamela? Bah écoute, Yannick, tu voudrais pas me taper dans le pot? Bah, si tu veux, y a pas de problème. Il dit pas non. Hein. Et admettons. Non, mais faut le faire demain soir, ça. Pamela vient demain soir. Viens nous voir, Yannick, et puis je te présente Pamela, on vous met dans le studio derrière. Ah, moi, je suis en vacances en plus. Ah, en vacances en plus. Ouais. Non, mais Yannick, admettons. C'est ça, les fonctionnaires. Hein. Attends. Hey, Yannick, admettons, tu sais, ça t'est jamais arrivé là sur Badou. Tu dragues une meuf et en fait, c'est un mec qui vient, mais un mec habillé en mec. Dans ce cas-là, Tu baisses avec ou pas? Ça m'est jamais arrivé pour l'instant, ça. Ah. Tu baisses avec ou pas? Tu me dis au courant, ça t'arrive? Je pense pas plutôt à transsexuel, mais pas à mec. Je pense pas, quand même. Hein. C'est pas le monde. Mais j'ai une question, moi, tu préfères les trans ou les femmes? Bah, je préfère les femmes, moi. Mais bon, quand on n'a pas Mais là, je me suis éclaté, c'est tout. C'est plus juste pour me faire la gueule, c'est tout. Ok, Yannick, tant pis. Mais admettons, j'irai pas me taper des trans tous les jours. Non, mais admettons, demain, Cédric, qui vient dans ta salle des sports, là. Il vient habillé en femme, tu lui tapes le cul? Voilà, pour trois mentons, laisse tomber. Non, quatre. Imagine Romano. Non. Imagine Romano déguisant Pamela. Tu vois, à la base, je sais que Romano, c'est un mec, de toute façon. Ah, bah oui, ça se. Ouais, mais bon, là, le mec, quand il s'est foutu à poil, t'as bien remarqué que c'était un mec aussi, il a mis le perdu. Comment on pourrait dire? Bon, c'est bizarre pour ce brand, avec une paire de niches en plus, alors. Bon, bah écoute, Yannick, merci en tout cas du témoignage, sympa d'avoir appelé. Bah, de rien. Et puis tu reviens quand tu veux. Yannick, à ta prochaine aventure, n'hésite pas à nous. Ah ouais, faut nous passer un coup de fil, Yannick. Bon, je pense. Non, mais là c'était un délire, mais je pense pas que je recommence. Un délire, mais t'en as niqué combien des travelots? Bah deux, moi Brando, ça fait des années l'autre. Bon. Bon, j'avais à peu près une vingtaine d'années. Hein. Bah écoute, quand j'en ça t'en reprend, Yannick. 44 quand même. Ah ouais. Ah ouais, t'as attendu quand même 24 ans entre les deux. Bah tu nous appelles quand tu as 66 ans. Bah c'est ça. 68 ans. Bah salut Yannick. Tous les 20 piges, j'y stave un travelot. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Merci, je vous remercie. Et salut Yannick, ciao. Bon, bonne soirée. Bon, à toi aussi. Bonne soirée. Bon. Merci. Merci. Merci. Bonne soirée à toute l'équipe. Merci Yannick. Tous les soirs, Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et sur Skyrock, dernière ligne droite pour la plus grande radio libre de France. Tout l'été, entre 21h et minuit, on se fait le meilleur de Difool avec toute l'équipe. Du son à écouter maintenant, c'est Lil Wayne, Sucker for Pain. Et juste après, on retrouve Difool, un extrait du Morning qui sera de retour à la fin de l'été. Je vous rappelle que si vous souhaitez gagner 1500 euros, un beau chèque de 1500 euros, si on vous appelle, qu'on vous demande quelle est votre radio préférée et vous répondez Skyrock, c'est 1500 euros dans la poche. Les inscriptions, c'est tout l'été en envoyant 1500, le nombre 1500 au 7 20 20. C'est 65 centimes. Et puis peut-être 1500 euros, donc c'est bien bien rentable. Allez-y, c'est 1500 au 7-20-20. On se fait un réveil de star dans un instant. On prend la voix d'OSS 117, Jean Dujardin au ciné. Et puis on réveille les familles avec. À écouter juste après le son des Lil Wayne et Wiz Khalifa, nouveauté Skyrock, c'est Sucker for Pain sur Skyrock. I talk to you, take my hand.

Non, et tu connais le numéro des flics, sinon? Non, je ne crois pas, non. Non, bah, tu peux essayer, tu verras s'ils vont te répondre comme moi je te réponds. Moi qui pensais même vous laisser faire l'amour avec moi, nous voilà bien lotis. Ah ben, je crois que tu t'es trompé de service, là. Je n'ai fait que me voir. Ouais, bah, continue, alors. Quel imbécile. Charmant accueil. Oui, parce que tu commences à casser les couilles, donc tu raccroches. Vous n'êtes pas Jamila Naroubi, mais la princesse Altarouk, la nièce du souverain d'Égypte Farouk. Déjà, c'est pas Jamila. Désolée, je suis française, moi, donc... Oui. Tu ferais mieux de raccrocher. Quelle drôle d'idée. Bah oui, quelle drôle d'idée tu as, c'est sûr. Connard. Pardon. Ouais, t'as compris. Connard. Combien tu as d'enfants? Ça peut te faire. Oui. 9. Je te pose à quitter, non? Tu embrasses toute ta famille pour moi, d'accord? Et ta sœur, Albalbert? C'est cocasse. Bah, je suis sur le bâton. Ah. Je vois, au revoir. Au revoir. Merci Jean Dujardin. Merci à la femme derrière. Connard. Elle était super. Elle a... Mais ta sœur Albalbert. Elle s'est jetée sur le téléphone après. Magnifique. Et ta sœur Albalbert. Non, elle prend la cuillère. C'était quoi là? Et tu suces le bâton. Ah, c'est ça, voilà. Non, mais en fait, tout à l'heure, on nous a dit la vraie expression, c'est ta sœur Albalbert, quand elle battra de la merde, elle sucera le bâton. Ok. Ah. Eh ben, vous voyez qu'on apprend, on apprend des choses auprès des familles. On a bien fait d'appeler Robert à la famille. Des bonnes expressions des familles. Merci Robert, merci la famille. Quand elle battra la merde, elle sucera le bâton. Et puis surtout, merci à Jean Dujardin dans le rôle d'OSS 117. C'est bien, on est premier sur la classe, hein, entre 6h et 9h, tous les matins sur Skyrock, le morning de Default, de retour à la fin de l'été. Priska arrive dans un instant avec le son Skyrock toute la nuit, rap R&B non-stop et la roulette juste avant. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Allô Sarah de Lille. Oui. Sarah du nord de la France, ça va bien? Ça va bien toi? Bah ça va, en pleine forme. Écoute, toi tu n'as pas de vacances, tu travailles à Euralil. Oui, voilà, c'est ça. Et bah écoute, courage à toute la team travail de cet été sur Skyrock, la roulette qui tourne, avec à l'intérieur la Monster Backfloat, l'enceinte à 200€ qui marche partout, même dans l'eau, et la compile Planet Rap 2016. C'est quand tu veux, ma petite Sarah. Y'a des gens avec toi ou c'était toute seule? Ouais. Ah c'est ça, ouais, c'est qui avec toi? Y'a mes sœurs. Ah les sœurs. Y'a elle, mon cousin Dylan et ma cousine Denio. Ah ouais, y'a toute l'équipe là, c'est bien. Le multistop qui rapporte les multicadeaux, les deux cadeaux pour toi à la compile plus l'enceinte. Ouais. Et bah voilà, magnifique, je suis ravi de te faire plaisir ma petite Sarah, tu vois. Travailler l'été, ça rapporte des cadeaux en écoutant Skyrock. Franchement, je vous dis merci et je suis super contente. C'est la première fois que vous m'appelez et voilà. Et bah, comme quoi ça fonctionne, hein. Je sais pas quoi dire. Tiens, tu sais comme quoi ça fonctionne. Tu peux recommander aux gens de jouer au jeu sur Skyrock. Au moins, on rappelle les gens, on offre vraiment les cadeaux, nous. Ouais, bah ouais, ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup. Bon, tu travailles demain? Ouais. Bon, bah, t'es couche pas trop tard. Hein. Non. T'inquiète pas. Reste un peu avec Priska pour écouter du son sur Skyrock. Et puis je te fais un gros bisou. Salut Sarah. Salut. Ciao ciao et Radio Libre. On sera de retour demain entre 21h et minuit avec le super clash de la drague qui va le plus pécho chez les familles, Cédricain ou Romano. Et la jolie Priska est en face de moi. Ça va Max ce soir? Ça va Priska? Ouais, ça va bien. Bah écoute, vous avez passé tous une bonne soirée? Ah bah nous on était à fond, hein, bon. Avec D-Fool. On a parlé de plein de choses ce soir. Oui, des choses très intéressantes. Ah que bah ouais. Écouter. Ah des transsexuels, c'était super. Ça t'adore Priska. Ah bah. Forcément. Forcément. Bon, bah écoute, moi je reviens demain matin entre 9h et midi, puis à partir de 21h. Et là, le son de Skyrock, c'est parti maintenant. Rap R&B non-stop. Le premier son, c'est Ken Jones, il me semble. Exact, bah t'as tout dit pour moi, dis donc. Bonne nuit à toi, Max. Ciao, ciao, Priska. Ciao, et bonne nuit à vous tous avec le son de Skyrock. Effectivement, c'est Rap R&B non-stop. Et comme toutes les nuits, on se met bien tranquille avec du bon son. On pense à tous ceux qui nous écoutent qui ont peut-être pas fini leur journée, qui sont au boulot. Et puis tous ceux qui sont tranquillement en vacances, ceux qui vont être en week-end là dans quelques heures. On se prépare aussi avec le son de Ken Jones, effectivement c'est Don't Mind, et Nekfeu et Screw juste après avec J'aurais pas dû sur Skyrock. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a